Faut faire une blague obligée non, ou pas? Non, pas forcément. Ah ouais. C'est bon. Lucas? Bliblablop. Ah oui, si t'es là. Oh non, ah ouais. non, excuse-moi. Pas les blagues comme ça, pas ça. Mais t'es un enfoiré en fait. Je pars très vite. Ah non. Imagine. Le truc. C'est un petit fanfare. Et le truc et tout, tu sais. Non. Attention, je lance le jingle. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Podcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais. Oh. J'ai oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Il s'agit du nouvel épisode, tout simplement, avec comme à l'accoutumée, trois invités, avec Adrien et moi. Tout d'abord, elle est comédienne et scénariste, ainsi que DG de la société Le Monde à l'envers SARL, entreprise de sketch parodique sur YouTube, qui compte 3,55 millions d'abonnés. On a pu la voir dans Calls, Groom, ou invitée sur des chaînes YouTube comme celle de Cyprien ou Léopold le Marchand. Elle vient tout juste de sortir une bande dessinée, Le Monde à l'envers, disponible partout. Elle aime les perruques plus que ses propres parents. C'est Jenny Le Tellier. Waouh. Meilleure fiche Wikipédia. Par contre, on n'a pas pu la voir dans Calls, pardon, mais... Ah oui, non, mais c'est vrai, je suis bête. On n'a pu la voir. Eh oui, parce qu'on si entend Calls, que... non, on entend ta voix, c'est parce qu'on t'a pas vu dedans. Pas vu, de... vu, c'est le mot vu. Non. C'est le principe, putain, mon programme. Mais on voit les ondulations de ta voix. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comédien et scénariste, il est CEO de la société Le Monde à l'envers EURL, entreprise de sketch parodique sur YouTube qui compte 3,55 millions d'abonnés. On a pu l'entendre dans Calls, dans Groom, ou invité sur des chaînes YouTube comme celle de Cyprien ou Léopold Le Marchand. Il est derrière un sketch show diffusé il y a quelques mois sur TMC, dont les sketchs sont d'ailleurs diffusés en ce moment sur leur chaîne. Il aime les perruques plus que respirer. C'est Valentin Jean. C'est vrai. Comédien, dessinateur, scénariste, on le voit régulièrement officier auprès de la société lemondealenvers.org. Il a également sa propre chaîne YouTube Chaise et a scénarisé plusieurs épisodes de la série Calls. Il a un vrai petit monde à lui, bien à l'endroit. C'est Lucas Pastor. Oh, merci. Oh, wow. Écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris et mort le 29 septembre 1902, il est considéré comme le chef de file du naturalisme, auteur entre autres de L'Assommoir, Germinal et de Change de trousse à fume. C'est Adrien Méniel. C'est vrai, tout est vrai là. Au début, je pensais que tu confondais, mais c'était... tout est vrai. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous allez bien déjà? Merci à vous. Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter. Il y a que des nouvelles têtes aujourd'hui. D'habitude, des fois, on c'est a des vrai, gens qui reviennent. C'est la première fois que vous venez tous. Comme la dernière fois, cela dit. C'est vrai que je sais que Valentin est un grand fan de l'émission. Oui, c'est vrai. C'est aussi un gros fuchsboule, faut dire. Non, mais il les a toutes. Ça, tout le monde pourrait être invité. Il les a toutes. Il les a toutes écoutées, je crois. Je n'ai jamais écouté un seul podcast. Ah ok. C'est bien. Donc tu connais évidemment la première rubrique dont tu vas dire le nom, bien sûr. Voilà. Bah vas-y. La rubrique. Bien sûr. C'est ça. C'est le jeu de l'actu. Je vous pose des questions sur l'actualité. Vous devez trouver la bonne réponse. Une activité, évidemment, des informations un petit peu insolites, effectivement. Bien sûr. Un pompier est passé à côté de 1,75 million de dollars, à votre avis? Comment a-t-il fait? Bitcoin. Non, il est passé à côté. Bah justement, il aurait Bitcoin. Il est peut-être passé physiquement à côté. Ah, peut-être une banque. C'est assez banal. En fait, il a voulu éteindre un feu et... Il a utilisé des billets. Pour éponger l'eau, mais il avait beaucoup trop d'eau après. Alors en tout cas, tu touches du doigt en tout cas la raison, puisque c'est parce qu'il a éteint un feu qu'il est passé à côté de l'argent. Effectivement. Oh, donc c'est un rapport avec son métier. Effectivement, je n'ai pas dit pompier comme ça au hasard. Pompiflard. Il avait gagné au loto, il n'a pas été récupérer sa somme, c'était le dernier jour. Écoute, j'ai presque envie de te l'accorder. C'est pas vraiment ça, mais c'est presque ça. Tu as dit non? Non, j'ai dit ah non. Non, on l'accordait pas. C'est moi qui gagne. Non, je vais. Oh. Non, en gros, Mike Boyd s'en mord d'ailleurs les doigts. Hein, c'est ce que dit l'article. Mike Boyd, gros... c'est un youtubeur aussi. Ça. Non, en vrai, c'est pas. Bon, pardon. Ça me dit. Tu peux arrêter tout de suite. C'est... En gros, il joue toujours les mêmes chiffres depuis des années au loto, à savoir le 6, le 9, le 13, le 24 et le 41. Sauf qu'en ce 11 décembre, il a dû éteindre un feu. Hélas, il n'a pas pu aller déposer son ticket. Et évidemment, ce sont ces chiffres qui sont tombés. C'est horrible parce que tout le monde doit lui dire « Ouais, mais t'as la satisfaction de faire du bien pour les gens et tout. Ouais. » Je m'en bats les couilles. Hélas, en plus, tout le monde est mort calciné. Il a mal branlé. C'est terrible. Il en parle avec philosophie. J'essaye de ne pas trop y penser, mais j'aurais pu venir en aide à beaucoup de gens avec cet argent. Notamment moi-même. Arrêter ce métier de pompier. Qui fait référence à lui-même. Chaque jour réduit mon espérance de vie un peu, parce que je respire des fumées. Un homme vit depuis 3 mois dans l'aéroport de Chicago. À votre avis, pourquoi un peu? On pense à ce film. Le Terminal. Ouais. Pas vu. Il a rien. Une merde. il vit depuis 3 mois dans un aéroport, à votre avis, pourquoi? Okay. Eh ben, est-ce que c'est un peu un délire comme dans le film ou pas tellement? Non. Allez. Alors d'ailleurs, le délire du film, c'est les frontières qui ferment de son pays. Son pays rentre en guerre au moment où il arrive à l'aéroport et du coup ils disent vous pouvez pas venir, vous pouvez pas repartir non plus. Exactement. Donc c'est pas ça. Manger au sub. Est-ce que c'est une expérience sociale? Non. T'as vu Libra TV. C'est une vidéo YouTube. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les sièges sont très confortables. Non. Dans un aéroport, pas dans l'avion. Parce que dans l'aéroport, pour le coup, c'est vraiment une cata. Les sièges. Ah oui, c'est bien. C'est pas mais mal. Elle voyage en business. Elle est dans le luge. Ils font de la thune quand même. Ils font des millions de vues. Hein. Le magnum de champagne qui avait VIP. Mais est-ce que c'est un souci avec la loi? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un souci de passeport? Lucas, passeport. Je vais quand même pas pisser maintenant. De rire, bien sûr. Imagine, c'est ton nom, mec. Non, ça serait terrible. Une sorte de document officiel. Ouais. Imagine. Ce serait sur ta carte d'identité. Oui, c'est ça. Sur mon passeport, il y a écrit Lucas Passeport. Un délire. Non, mais c'est ça les trucs. Donc. Ouais. Alors, est-ce qu'il est dans cet aéroport contre sa volonté? Pas contre sa volonté. Excellente question que tu poses. Il a envie d'être là. Il proteste? Est-ce qu'il proteste? Il ne proteste contre rien du tout. Est-ce qu'il est employé de l'aéroport? Oui. Non. Ça, super. Est-ce que ma gueule? Non, en fait, ça va. T'es nul. Je vais partir. Une histoire d'amour. Il a vu une dame dans un aéroport. Il attend qu'elle revienne. C'est un klebs pour moi, ce mec. J'avoue. C'est le chien de. On m'a pas dit qu'on était d'accord. Avec le film avec Richard Gere là, basé sur une histoire vraie, je sais pas si vous connaissez. C'est très triste. Passeport. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ouais. Apparemment, je peux pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Oh. Pas vu. Tu sais, c'est le. En gros, c'était dans une gare au. Didier. Une gare au. C'était au. Arrête, merde. Ah mais oui, c'est au Japon. Et en fait, il y a un mec. Tous les matins, il allait prendre le train avec son chien qui l'accompagnait. Ouais. Et il revenait du taf le soir. Et le chien l'attendait. Et après, il rentrait à la maison. Et en fait, un jour, le mec, il est mort au taf, donc il est jamais revenu. Et en fait, le chien est resté toute sa vie dans la gare. J'ai envie de pleurer, donc on va arrêter. C'est le film. Et en fait, du coup, les gens le nourrissaient, etc. Jusqu'à ce Et c'est le film. C'est le film avec Richard Gere où il se met un hamster dans le cul. C'est ça. Ouais. C'est pas vrai. Quoi? Vous connaissez pas cette histoire? Je crois qu'on le répète à longueur de podcast. Non, mais ça fait longtemps. Peut-être. C'est toujours important de le dire. Il y a une légende urbaine autour du fait que Richard Gere, le comédien de Pretty Woman, s'enfonçait des hamsters dans le cul. Non, mais sérieux. Ah si, alors je vous invite à googliser. Je sais pas comment une rumeur pareille peut. Mais le pauvre, oui. Imaginez, voilà. Ça peut aller très loin. Cela dit, c'est en soi. Il y a un spectacle de Ricky Gervais où il parle de ça, justement. Il existe une rumeur selon laquelle Richard Gere aurait été admis aux urgences de l'hôpital de Los Angeles après une séance de gerbiling. Voilà, si vous cherchez. Ah, c'est mais c'est un nom, ce truc, ça existe alors. C'est un sport. Il y a un club. C'est comme du curling, mais. Le MC gerbiling afin de faire extraire la gerbille de son corps, voilà, qui était ainsi. C'était une gerbille, effectivement. Effectivement, c'est très bizarre d'avoir. Cette information. Oui. C'est... Soit c'est quelqu'un de l'hôpital qui a fait fuiter le truc, soit c'est tellement totalement drôle. Inventé. Moi j'imagine que c'est une soirée, quelqu'un a ouvert une porte et il a rechargé. Oh mon Dieu. Non. C'est vraiment pas ce que tu crois. Je lui pète dessus juste. Je n'ai plus de PQ. donc. Le bon goût tout de suite dans le podcast. On est. C'est parti. Bientôt sponsor. C'est bien, c'est qu'on dit. C'est les grosses têtes, mais c'est quand même moins beauf. Et la gerbille, elle est dans le cul. Il pète dessus. Là, je rigole. Alors, le trou de balle d'un Australien a été dilaté. Alors, pourquoi, à votre avis? C'est super. La chaleur. Eh bah ouais, j'adore les jeux. Putain, j'étais en train de boire lui. Tout le monde boit en même Valentin temps. Valentin dégueule. Putain, la règle d'or. Il l'a pas respecté. Je regarde pas les gens qui... En même temps, tu vas pas regarder avant. Est-ce que tout le monde voit? Je peux faire ma balle. C'est sûr. Donc, on parlait juste de la gade dans un aéroport à la base. On a vite brillé quand même. Oui, mais c'est... Il y a un lien quand même. Oui. Gerbi. Est-ce que c'est pour se mettre des trucs dans le cul? Je sais pas. Non, rien à voir avec l'histoire ne le dit pas. Mais non, j'allais dire un truc con. Mais dis. Il n'y a pas de truc con à part. Non, mais ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas réaliste. J'allais dire, est-ce qu'il s'est pas trompé d'aéroport d'arrivée? Du coup, il reste là et il a pas de thune. Il est bloqué. Tu dépenses mes derniers deniers pour prendre un Uber qui va m'amener à l'aéroport. Il s'est trompé d'aéroport. Il dit, bon, moi, je suis foutu. Toute ma vie. Ma vie s'arrête là. Il n'y a plus aucun espoir. Mais il avait fait le voyage. Mais c'est ça qui est pas possible. Tu vois, s'il a fait le voyage, il peut pas. Tu peux pas te tromper de billet. Non, mais en plus, sa raison, elle est un peu d'actu. Voilà. Non, petit indice. Il a le Covid. Non, il a pas le Covid. Il a peur d'avoir le Covid. Exactement, il a très peur d'avoir le Covid. Ah, d'accord. Pourquoi il a pris l'avion alors? Je vais vous expliquer. C'est vraiment une belle merde, ce mec, à mes yeux. Il a été arrêté après avoir erré durant 3 mois à l'aéroport de Chicago. Le trentenaire, qui était arrivé d'un vol de provenance à Los Angeles le 19 octobre dernier, est accusé d'intrusion criminelle dans une zone sécurisée du bâtiment. En effet, il aurait subtilisé le badge d'un travailleur afin de pouvoir s'y abriter. Vivant en colocation à LA, Aditya ne voulait pas rentrer chez lui car il avait trop peur du coronavirus. Finalement, et même s'il ne posait aucun problème pour les voyageurs et pour le personnel, l'homme ne peut plus remettre les pieds au sein de l'aéroport international Doha. Sa caution est fixée à 1 000 $. Donc voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est le mec qui dit « Non, j'ai un coloc, donc j'ai trop peur du coronavirus pour rentrer chez moi. Par contre, un lieu public... » Mais oui, c'est ça. Toute la terre entière passe. Ça, c'est bien. Après, c'est Chicago. Imbécile, va. Comment il s'appelle? On va le voir. Écoutez, voilà, vous le traînez dans la boue, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Ça reste un homme, hein. Un film Disney a permis de résoudre un mystère de plus de 62 ans sur la disparition de 9 étudiants. Bah, c'est Mulan. À votre avis, lequel et en quoi? Je répète la question. Les Goonies. Un film Disney a permis de résoudre un mystère de plus de 62 ans. Donc il y avait 62 ans, il y a 9 étudiants qui ont disparu. Et grâce à un Disney, des scientifiques ont pu deviner, enfin ont pu découvrir ce qui s'était passé. À votre avis, quel Disney? C'est un Disney récent? C'est un Disney plutôt récent. La Reine des Neiges. Alors c'est la Reine des Neiges. Bah, c'est bien joué. Un effondrement, un éboulement, un truc de glace, un truc de. Vous avez trouvé très vite, effectivement. En fait, en 59, 9 étudiants, composés de 7 hommes et 2 femmes, ont parcouru les montagnes de l'Oural en Russie pour admirer le paysage. Bien qu'ils aient pris leurs précautions nécessaires pour camper en toute sécurité, le groupe n'est jamais rentré chez lui. Ce n'est que des mois plus tard que leurs corps ont été retrouvés en civil sous la neige. Tous étaient dispersés à la base de la montagne, certains avec la poitrine et le crâne fissuré. Bah, génial. Vraiment, j'ai jamais vu la Reine des Neiges, mais maintenant je vais vraiment penser à ça en le voyant. C'est cool. Donc officiellement, une avalanche a été avancée comme explication, mais cela semblait peu probable étant donné que la tente des randonneurs avait été installée à un endroit sûr. Pas près d'une haute colline. Ils de ont plus, été massacrés par un bonhomme de neige. Aucune neige n'était tombée la nuit où ils ont disparu, naninana, donc je vous passe un petit peu les détails, mais c'est en fait John Gome du laboratoire de simulation des avalanches qui a regardé le film de Disney La Reine des Neiges. Et en effet, dans le film, la populaire personnage de Disney a des pouvoirs en lien avec la neige. Mais Disney ne serait pas Disney s'il n'avait pas fait des recherches approfondies sur la façon de faire tomber cette neige. Afin de rendre leur neige et leur glace numérique aussi réaliste que possible, ils ont fait des recherches très détaillées sur les avalanches, les blizzards et les paysages de neige. J'ai été tellement impressionné par le réalisme du film que j'ai appelé Hollywood pour une réunion avec Disney, explique le scientifique. Tout ça pour dire que c'était une avalanche, quoi, grosso merdo. Ouais, voilà. Mais grâce à Disney. Donc si vous regardez La Reine des Neiges, pensez bien à 9 étudiants bien morts. Avec le crâne fissuré et le torse. Comment une Anglaise a pu se faire plus de 55 000 euros pendant la pandémie du coronavirus? Qui est terminée d'ailleurs, je vous le dis. Hein. Non, c'est faux, je mets. Avant du démasque. Pas du tout. Non, pas du c'est tout. Pas bête. Ça aurait été Dieu, tu confonds les Dieudonné. Il a vraiment fait ça. Il a vendu des masques, Dieudonné. Des vidéos? Pas des vidéos. C'est un objet? Ce n'est pas un objet. Est-ce qu'elle a battu le record du monde du train de la hype sur Twitch? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, je confonds avec qui? Pas du tout. Pas du tout. Oh, attends. Donc, c'est pas des vidéos, c'est un service? Un service, oui. Je pense à ça, mais c'était pendant le premier confinement. Alors, j'ai pas tous les détails, mais. Alors ça va pas ce jeu. Comment tu veux qu'on joue? Non, c'est vrai, je suis une merde. Est-ce qu'elle s'est mise à faire du porno? Non, pas du tout. Ah, les femmes sont bonnes qu'à. En fait, toi, on sait ce que t'as fait pendant ce confinement. Écoutez, j'ai gagné de l'argent. Mais y a pas de. Non, t'as regardé. Un service donc en face à face, je veux dire, tu vas voir les gens. Non, pas. Enfin, non. Elle fait des courses, elle dépose les courses devant chez eux. Pas du tout. Pas du tout. C'est un truc un petit peu fantasque. Hein, non, je le dis. Oui. Non, mais je le dis. Est-ce qu'elle est comédienne? Elle faisait des spectacles. Non. Elle allait chanter sous la fenêtre des gens. Non, pas du tout. Il y a du déguisement ? Non, pas du déguisement. Elle en soi, elle a mis en place le service, mais on la voit pas à l'image. Voilà. Ah, elle, on la voit pas ? Ah non, voilà, on la voit pas. Elle te regarde faire dormir. Non. Elle organise des speed dating entre des gens. Non. Même moi, j'y crois pas. C'est pas mal en vrai. Ouais. Est-ce que. Speed dating via Zoom. Pardon. Non, est-ce que ça. Le service c'est qu'elle te regarde faire quelque chose? Non, pas du tout. Oh, c'est malaise. Est-ce qu'elle est prof? Elle n'est pas prof. Est-ce qu'elle est président Macron? Non. On a... D'ailleurs, Macron, le macaron, la macrotte. Hein. Non, parce qu'on est un peu. On est le macronavirus. Ah, on est un podcast engagé. Le macronavirus. Voilà. On est un podcast engagé. Est-ce qu'on ne la voit pas à l'image, mais est-ce qu'on l'entend? Non plus. Mais attends, mais c'est quoi? Non, mais elle met au service des gens. Oui, c'est ça. Une sorte de, voilà, de rencontre, mais qui ne l'implique pas elle. Son chien. Tu t'approches. Un animal de compagnie. Un animal, pas forcément de compagnie. Un chat. Non. Elle travaille dans un zoo et elle montrait faisait des visites de zoo. Non. Un peu moins bien du coup. dans un chenil. Non. Non, dans mais vous dans y une êtes. Réserve d'animaux. En vrai, je vais vous donner la réponse. Des vidéos de la nature pour que les gens se sentent dans la nature. Pas loin. En fait, elle faisait des rencontres Zoom, des réunions Zoom avec des chèvres. Voilà. Oh, bon, c'est j'adore. Quoi ce traînement? Ah oui, oui. Moi, j'adore. Alors, je vous explique. Pourquoi les chèvres? Son site internet, mis en ligne à la base pour faire rire les gens, a été un véritable carton. À noter que chaque chèvre louée lui rapporte la somme de 5 livres, de l'argent qui lui permet de garder ses deux employés. Bref, une chouette idée qui permet de survivre et qui fait sourire en ces temps compliqués. Oh, ça va les boomers ? Bah aujourd'hui, on peut parler avec des chèvres sur Zoom. Je comprends pas. Pourquoi tu tapes sur YouTube chèvre ? Oui, mais t'as pas. Oui, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parler avec elle. C'est comme la même différence de recevoir un nude ou alors voir une photo de quelqu'un à poil comme ça sur Google. C'est pas la même chose. Il y a un vrai lien qui se crée entre toi et la chèvre. Même si on est passé par un truc de femme à poil qui m'a un peu mis mal à l'aise. Je vois des chèvres à poil. Femme à poil, non, j'ai dit un nude. Ça peut être un homme. C'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Mais non, je pense que oui, c'est pour avoir une rencontre en direct. Tout simplement. D'accord. Donc voilà, 55 000 dollars. Un individu qui ne veut peut-être pas te voir. Ouais. La chèvre, elle a pas. C'est vrai qu'on lui a pas demandé son avis. Je pense que la chèvre ne comprend pas le concept d'ordinateur. Je pense. Quel plat un peu particulier a été testé par une Britannique qui s'est rendu compte qu'effectivement ce n'était pas forcément très bon pour la santé? C'est une tarte. C'est un plat un peu particulier. Bon, c'est un ingrédient en particulier qui est dit donc pas très bon. Pour la santé, ouais. Mais au goût, c'est bon. En tout cas, alors, c'est pas du sperme, mais on se rapproche. De la merde. Non, c'est pas de la merde, mais on se rapproche. Du pipi. Du pipi. Non, j'aime bien. C'est la sueur. Non, pas de la sueur. De la morve. De nez, ouais. Non, pas du tout. Ah, mais c'est un truc sur le corps humain. C'est un fluide corporel, ouais. C'est un fluide corporel dans le corps humain, ouais, c'est ça. Du pu. Non. De la cire d'oreille. De la bile. Ça me dégoûte. C'est un enfer. Du vomi. Oh non. Non. Du sang. Non. Ah! Non! Mais c'est pas des larmes? Non. De la bave? Pas de la bave. En tout cas, ça touche plutôt les femmes. Ah, de la mouille? C'est pas les règles. C'est pas les règles. Non plus. Pas de la cyprine. Ça touche les femmes? Ouais. Le produit touche les femmes? Non, le produit. Ce liquide sécrété. Le sang des règles? Et plus un truc de femme. Ah, non. Du lait? Non. Ah, du lait? Ah, du lait de. Non, mais on s'approche. On s'approche du côté. Du placenta? Exactement. Ah, la vache. Ah, du bébé. Voilà. Le truc du bébé. Ah, putain, j'en ai entendu parler, je crois. En Angleterre, la tendance est à la placentophagie. Alors, qu'est-ce que c'est ? La placentophagie, pardon. C'est la consommation de placenta suite à l'accouchement. Mmh. Une jeune maman de 27 ans a donc décidé de le manger sous forme de burrito. Pour ses prétendus. C'est ça. Évidemment, toute la news. Évidemment, burrito au placenta sera le titre de cette épisode. Valentin vient de se dégueuler dessus immédiatement. Valentin est passé du dégoût. McFly et burrito au placenta. J'ai lu beaucoup d'articles sur l'encapsulation du placenta, à savoir le fait de transformer la substance en gélule. Oui, beaucoup d'articles, 4 je pense en vérité. Mais je ne pouvais pas me le permettre financièrement. C'est très cher, il paraît. À la plage, j'ai donc fait des recherches sur des gens qui l'avaient mangé. J'ai découvert beaucoup d'avantages, dont une récupération plus rapide, une diminution des chances de souffrir de dépression postnatale et une augmentation de la production de lait. Détail la Britannique. Les experts mettent alors en garde. Les méthodes utilisées pour préparer le placenta à la consommation, notamment sa cuisson ou sa déshydratation, ne sont pas réglementées. La manipulation et la stérilisation inadéquate du placenta composent le risque de le contaminer de champignons, de virus et de bactéries nuisibles. La recherche scientifique montre qu'il existe des dommages à la fois potentiels et documentés liés à la consommation de placenta humain. Qu'à cela ne tienne, Katrina a quoi qu'il en soit décidé de préparer son placenta en le faisant cuire à feu doux, avec du bœuf, du fromage râpé et de la crème fraîche. Si les effets ne sont donc absolument pas démontrés, espérons pour elle que le goût était au rendez-vous. Oh là là. Mais comment tu passes de un placenta un burrito. Bah, marmiton. Elle, elle bosse à. Je suis mets tous les trucs que t'as dans ton frigo en fait. Elle bosse à chipoteler, ouais, c'est ça. Elle se dit, non, mais c'est un truc. Enfin, c'est pas la première fois que j'en entends parler, quoi. Mais c'est un peu du cannibalisme, oui, ouais, en vrai. Ouais, c'est quand même un morceau humain. Tu manges bien tes crottes de nez. Pardon. Non, mais. C'est Valentin qui m'a dit ça. Le mec qui se livre. Bah attends, on mange tous notre merde. Non, ah, oui. Non, non, les gars, je crois que je. La cire d'oreille, non. Tu l'as dit. Oui ou non. Tu l'as dit. Hey, j'ai pas raison. Mais elle a remis de la viande avec. Ouais. Elle a quand même dit... à cause de viande. Un homme a enfin réussi quelque chose au bout de 158 tests, qui est un record. 158 tests, à votre avis, essai, de quel... quoi. 158 essais. 158 ouais. Essais. Ça, ah, c'est oui. Un truc qui fait mal. Non, pas du tout. Avoir le. Non, là, c'est plutôt mignon. COVID. Non. Mais de devenir papa. Non. Non, c'est pas un record. 158 tests, il ouais. A... Alors, est-ce que c'est un. Alors, c'est un peu mignon, tu dis. C'est un peu mignon, oui. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de crado, quoi. J'essaie d'accord. Pas de... C'est un sport. Non, pas du tout. C'est physique. Comment c'est physique, j'allais c'est dire pas physique. Exactement ça. C'est mais vous êtes non, super potes. Une belle collection. Pas eu le Covid. Hein. Ouais. Je ouais. Bah... me serais jeté dans tes bras avec ton consentement, bien sûr. Ouais, vous êtes deux beaux potes. Je suis en train de penser à me jeter dans les bras de Lucas. On va couper un peu. Non, non, mais on va laisser. Voilà. Donc, j'ai pas entendu la réponse du coup. Elle n'a pas été dite. Non, mais c'est physique, je veux dire. Non, c'est pas physique. C'est ouais. Pas physique. Est-ce que c'est compliqué? Ça dépend des gens. Comment... Oui, c'est ça. Ça dépend des gens. Ma question est pas pertinente. Sauter de son toit. T'as dit quoi? Sauter de son toit. Non. Ça, je pense il est mort, oui. Ouais, 142. C'est ça. Il est décédé, bravo à lui. Mon suicide est une réussite. Donc, tu dis que c'est un truc qui est facile pour certaines personnes, mais pas pour lui. Pour lui, bah, il a mis 158 oui. Tests. Mais est-ce qu'il y a des gens qui y arriveraient du premier coup ah, sans oui, problème Donc, juste, il est pas bon à ça et il a pas lâché. Le Bill Bokeh. Est-ce que c'est un truc social? C'est pas social. Est-ce que Valentin pourrait le faire? Je sais pas, je connais pas assez. Se maquiller? Non. Donc c'est un truc qui se fait dans la rue? Qui peut se... Oui, dans la rue. Ah bah non, c'est dehors. Je crois. Ouais, en tout cas, dehors, oui, voilà. Dehors. Il y a des instruments, besoin d'instruments? Pas besoin d'instruments. C'est juste lui, c'est juste et la lui rue. Et un... Comme dans ma jeunesse. Lui contre la rue. La moto. Pas... Est-ce que c'est un véhicule? La voiture. Eh ben tout simplement, la ah, voiture. Le permis de conduire. Oh, bah, je sans mentir. 150. Non. C'est la première idée que j'ai eue et je me suis dit, c'est pas assez insolite pour que ce soit ça. Mais tout de même, réussir son examen du permis de conduire, c'est peut-être c'est un des défis les plus oui, délicats vrai, ça fait à gérer dans une vie et cela peut demander à certains d'entre nous beaucoup plus de tentatives que pour d'autres. Mais que vous échouiez une fois ou 157 fois à votre test, il n'y a pas de honte à se représenter, non, à essayer. C'est pas la honte. A déclaré Marc Tong, directeur de Select Car Leasing. Tu m'étonnes. Bah surtout lui. Oui. Oui, c'est ça, tu m'étonnes qui t'a dit. Non, non, tu peux essayer. Tu as essayé beaucoup? Ah non, moi je l'ai eu du premier coup. Du hein. Premier coup. Ouais. Que tu disais, c'est pas la honte, je me suis dit, ça se trouve, ouais, elle a mis du temps. En Provence? Oh, oh, oh, non, mais oh, non. Le Parisien. Okay. Quand il y a deux routes et deux voitures. Non, non, non. Alors non, toi, non. Tu déconnes. Non, non. Ok, c'était en province, mais c'était quand même dans une ville. Alors. Quelle ville? On a connu des vaches, c'est ça. C'était au Mans. Et en plus, oui, okay. C'était dans une toute petite rue et tout. Et le Mans, c'est ce qu'il y a là-bas, les 24 heures du Mans. Allez. Donc, les rillettes. Oui, ça n'a rien à voir. Sauf que voilà, je conduis très bien. Beaucoup plus simple. En tout cas, comme quoi, pas du tout. Merci, bien sûr. C'est très connu. Je ne possède aucun charisme. Valentin. Il faut en tirer une belle leçon, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais abandonner. Mais si, il bien faut sûr. Abandonner mais bien sûr. Oh, l'argent qu'il a dépensé à chaque fois qu'il a passé le permis. En France, c'est très cher en plus oui, de passer le permis. C'est hyper cher. Ah, c'est un Français? Non, lui pour le coup, c'est bon. Un Anglais. Bon, ouais, c'est gratuit. J'ai inventé là-bas. L'anglais. Non, c'est bon, c'est ça. C'est ça, c'est tu un anglais. Tu repayes combien? Tu repayes 50 balles à chaque fois pour le permis? Alors là, en l'occurrence. Ouais, au Mans, ouais, mais. En l'occurrence. Arrête, c'est les mêmes. À Paname, c'est encore autre chose. Parce qu'il a raté son permis plein de fois, il est jaloux. Ouais, je l'ai raté plusieurs fois. Ah, oh, le nulos, c'est tu, vrai, l'as, c'est tu l'as ou tu l'as je pas l'ai, je l'ai. En province ou. Non, à Paris justement, là où c'est dur. Hein, oh oh ah, là, là, là. Pardon, c'est la vérité, demandez. Mais tu l'as loupé. Tu prends ta voiture pourquoi? Pour aller où? Ah, à Paris, c'est fermé. À Paris, peut-être. Bah, justement. Voilà, ouais. Non, mais il y a deux fois plus d'heures de conduite à Paris parce que tu sors de tu dois sortir de Paris donc et c'est après. Pas plus dur, et bah, tu sors de Paris. Et donc tu sors de Paris, donc c'est pas plus et dur. Et bien sûr. Pourquoi? Ah bah, alors, si c'était aussi simple de conduire en dehors de Paris que dans Paris, ils te feraient pas sortir de Paris. Ils te feraient conduire à Paris. Donc c'est bien que c'est plus compliqué. Mais oui, mais tu conduis pas dans Paris, mon pote. A plus B égale C. Pas du tout. Donc t'as pas conduit dans Paris. Bah, si justement, mais au début tu sortir. Sors de Paris pour t'entraîner. Oui, mais bon, après tu ne passes jamais le permis à Paris. Voilà, donc au final. Ah bah, écoute, ça je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué. De toute façon, on peut plus conduire à Paris maintenant. Ah non, c'est fini. Et alors, avec leurs trottinettes là. C'est des fous, les jeunes. C'est un grand marteau. Pète un truc, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, ça c'est mon iPad. Le chat. Sachez qu'en tout cas, cet Anglais a dépensé près de 4000 euros hein, quand même pour pouvoir décrocher son permis. J'avais fait un autre calcul. Ah, t'aurais dit. Je m'étais permis. J'étais à 7850. Il a sorti sa petite calculette. T'étais à combien du coup? 7850. Je comptais 50 euros pour le repasser à chaque fois. Mais c'est en Angleterre. Peut-être que c'est moins cher en Angleterre. Ah, peut-être. Déjà que leur siège il est pas au bon endroit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le volant. C'est peut-être pour ça qu'il a pas réussi. Le volant. Est-ce que vous savez pourquoi il roule à gauche? Alors tu le sais toi? Oui. Ah, bah je t'en supplie. Vas-y, salaud. Personne ne le sait? Non, on sait pas. Mais... Oh, je vais apprendre un truc mais à des gens. Abreuve-nous de ton savoir. Écoutez, avant, les gens se déplaçaient en cheval, hein, et puis pour frapper à l'épée, il fallait frapper à droite pour tuer les autres personnes, donc ils galopaient à gauche. D'accord. Bah, c'est resté là-bas. Mais ils n'ont pas évolué du tout. Et genre, c'est le seul pays au monde où ils étaient à cheval? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah non, mais c'est le seul pays au monde qui ont gardé ça. Ah, au cas où si ça. On doit. Et vous connaissez la légende. Au cas où si on parle du doigt d'honneur, c'est ça que tu veux dire. Le doigt d'honneur, tu vas dire. La légende du doigt d'honneur. Bah, je te connais comme si je t'avais fait en fait. Est-ce que vous connaissez la légende du doigt d'honneur? D'où est venu le doigt d'honneur? Oui, attendez, ouais, je crois. Fou. Vas-y. Mais je m'en souviens plus. C'est une légende urbaine, hein, je ne sais pas si c'est vérifié. C'est comme le truc de Valentin. C'est les archers. Je ne sais plus de quel pays, parce que pour moi, je suis pas comme Adrien. Pour moi, le monde est ouvert à tous en fait. Je suis pas en train de créer des clans. Mais en gros, c'était deux tribus qui se battaient. Je crois que c'était au Moyen-Âge. Et les archers étaient très bons. Tu vois, une équipe d'archers qui était très douée, donc ils tiraient la corde avec leur majeur. Et donc, du coup, lorsqu'ils se faisaient prisonniers par l'équipe adverse, on leur coupait le majeur pour dire bah, comme ça, vous ne serez plus jamais de bons archers. Donc, du coup, les archers en répondant faisaient des doigts d'honneur pour dire regardez, on a toujours notre doigt, on va pouvoir vous niquer. C'est incroyable, ça me paraît très faux, mais ce serait génial que ce soit vrai. Il y a la même histoire, mais avec le fusil, ce qui n'a aucun sens parce que tu n'appuies pas la gâchette. Oui, c'est avec l'index. Non, c'est parce que. En Angleterre, ils font le doigt d'honneur avec deux doigts. Ils font le doigt d'honneur à gauche. Non. Ouais. ils le font avec les deux doigts en Angleterre. D'accord. Mais c'était justement parce que ils disaient les archers, machin, mon cul, mais tout est faux de toute façon. Ouais, mais c'est un peu une histoire cool à sortir. Ouais, voilà, si vous aimez pas trop parler à vos parents, bah voilà, vous pouvez parler de ça. Donc, c'est sympa. Quels sont les rêves érotiques qui ont été les plus cités pendant le coronavirus? C'est-à-dire qu'il y a un nombre de rêves érotiques. Avec juste Macron. Baiser, je pense. Avec... Je pense que c'est juste baiser avec baiser, quelqu'un. C'était bien déjà. C'est pas fou, hein. C'est pas des trucs très surprenants. Il y a pas genre branler un singe ou je ne sais quoi. Mais parce que ça c'est un truc. Ça c'est plutôt banal. Ça c'est tous les soirs. Hein. Voilà, ça c'est un truc. Ça c'est la base. Ouais, voilà, c'est qu'on se couche tard. Enfin, bon, ouais. Mais, donc il y en a combien? 6. Il y en a là, il y en a 7, mais tu peux. Non, 6, pardon. Non, peu importe, c'est d'en trouver comme ça. Pas, la bonne franquette. Avec deux personnes. Avec deux personnes, écoute, ça n'arrive pas. Écoute, avec, pas avec une membre. Célébrité. Avec une célébrité, ouais. Non. Ah ouais. Avec un membre de ta famille. Non. Dégueu. Valentin. Non, mais on parle de stress, de trucs qui perturbent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais c'est pas forcément avec lié un à ça. Pangolin ou. Pile dans l'actu. Ah bah oui, voilà. Non, mais attends, tu dis les nuits sont perturbées, machin, etc. C'est quand même des rêves agréables. Non, c'est des rêves agréables. Non, c'est la façon. Il essaie de le mettre sur la fausse route aussi. Non, mais il est distrait, c'est tout. Juste c'est Wario ce mec. C'est juste pour vous inviter à dire des trucs dégueulasses, hein, rien d'autre. Okay, okay. Non, c'est vraiment des trucs assez basiques. Je vous en cite un. Dans un avion. Se branler et jouir sur la pub d'un abribus. Non? Il l'a déjà fait. Il a révélé son c'est fantasme. C'est hyper précis, c'est pas normal. Mais c'est ça la blague, bande d'idiots. Mais oui, on sait, Adrien. Non, mais par exemple, un tout bête, l'infidélité, il faudra rêver de l'infidélité. C'est pas tout bête quand même. Ça va. Eh bien, écoutez, base, selon putain, Freud. On se libère, on met les masques. Moi d'ailleurs, dans mes fantasmes. Dans mes rêves. Je me présente, je suis président. Non, mais à l'inverse, si vous êtes témoin de l'infidélité de votre partenaire en rêve, cela a tout un autre sens, comme un manque de confiance en soi ou un sentiment de jalousie. Ça, c'est si vous rêvez de votre partenaire qui vous trompe. Moins agréable comme rêve, je pense. Moins érotique. Juste, tu regardes ta meuf, ah bah mince. Et ce... J'ai jamais vu aussi heureuse. C'est plaisir. Du coup, il a l'aise. Un peu, du coup. Vas-y, mon pote. Un peu doux amer, du coup. Un peu doux amer. Je te la laisse. Tu te réveilles. Faut que je te présente un pote. Vous allez trop bien vous entendre. Dès que la pandémie est terminée, je te présente Lionel. En l'occurrence, Adrien est pote avec Jospin. C'est pour ça. C'est ça. Qu'il a... Ah, j'étais Messi, moi. Pote, je sais pas, mais il s'est quand même tapé ma meuf. Je vous en donne un autre comme ça. Faire l'amour avec un ex, par exemple. Rêver d'une relation sexuelle avec un ex peut avoir plusieurs significations. Oui. Alors, il y a ex et pas célébrité, c'est fou. Ouais, ça. C'est fou. C'est dingue. Il peut d'abord s'agir d'une figure que l'on regrette, mais ce rêve peut aussi être en réalité le reflet d'une connexion avec nous-mêmes. Nous avons tous deux pôles, un pôle féminin qui renvoie à l'intuition et au ressenti, et un masculin qui renvoie à l'action et au mouvement. Lorsqu'une femme rêve qu'elle fait l'amour avec son ancien partenaire, l'ex en question peut n'être qu'une représentation du sexe opposé. Cela signifie alors qu'elle entre en contact avec son pôle masculin et qu'elle prend donc sa vie en main. Et si tu rêves que tu fais l'amour avec Sean Paul, ça, c'est une célébrité, mais c'est peut-être. Ouais. Et peut-être avec moi, peut-être. Avec peut-être, toi. Elles ont peut-être rêvé. Avec Adrien Meunier. Je crois que c'est le 7e rêve érotique. Donc hélas, il n'est pas listé. Il est arrivé juste en dessous. Mais mettez tous les trucs. Enfin bon, bref, c'est un article non, pas mais attends, ouf. Hein. On va en trouver quand même. Mais là, non, mais j'ai rien qui me vient. Moi en plus, j'ai rien qui me vient. Vous ne pensez dans pas des endroits, dans la nature. Si. Ouais, vous êtes des puceaux. Dans des endroits. J'ai déjà fait. T'as déjà fait? J'ai déjà fait. T'as déjà mis des doigts? Oui. T'as mis des doigts? Mais. T'as touché les tatates? J'ai déjà. Ouais, j'ai les touches. Les touches. Les touches. Mais sous le pull et tout? Non. Ah non. Ah non. Faut pas abuser quand même. Juste regarder. Et bien, dans un lieu public, tu as raison. Tout simplement, Jenny, vous avez raison, pardon. Ça, c'est, j'apprécie ça. Ce rêve pourrait être le reflet d'un désir d'exprimer au grand jour pour quelque chose que, au grand jour quelque chose que l'on cache, selon Tristan Frédéric. Non, mais on peut pas rêver tranquille de bébé. Qui croit à la signification des rêves? C'est Tristan Frédéric, écoute, c'est pas. Je sais pas qui c'est. C'est vraiment toi, c'est un pseudo. C'est deux prénoms. Vu que ça touche à l'inconscience. Non, mais c'est deux prénoms comme toi, ça se voit que c'est ton. Non, ça va être Tristan Frédéric Moire. Ah d'accord. Voilà, mais non. Il s'appelle Tristan Frédéric. C'est le vrai nom d'Emmanuel Moir, le chanteur du Roi Soleil. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh. On peut en trouver un autre. Tu peux encore j'adore essayer. Jouer, j'adore jouer. Tu peux essayer. Sur le web, non. baiser. Voler. Dans la jungle. Non. Mais c'est quand même un lieu public. C'est un peu un lieu public, mais. Mais c'est, tu vois, c'est pas encadré. Ah quoi. D'accord. Dans le cul. Comment? Dans le cul. Non, c'est pas. On est en train de jouer, Adrien. Pardon, on joue à un jeu là. Oh là, vous êtes là, pardon. Pardon, je. Ah non. Je réfléchissais à des trucs. Pardon, désolé. Ah putain. Je me il en reste encore. Je me paye une bonne tranche, hein, qu'est-ce que je vous dis. Il y en a d'autres, mais non, mais vous n'allez pas les trouver. Non, mais je vous l'ai dit comme ça. Un personnage fictif de film. Non, juste à un inconnu. Faire l'amour à un inconnu. Oui, bah. Attendez, pas. Un inconnu dans les rêves, faut forcément dit pas, avoir vu. Didier Bourdon, c'est Didier Bourdon, tu sais. Je t'ai coupé pour ça. Et tu as bien fait, c'était beaucoup plus. C'était top. Non, mais oui, normalement, t'allais dire. Mais oui. Normalement, dans les rêves, tu ne peux pas voir la personne si tu l'as jamais vue. Ah bon? Il tu ne peux pas créer un personnage. Si. Bah alors, non. Après, je suis scénariste. Non, mais c'est crois que tu ne distingues pas les visages, en fait. Tu as l'impression de voir un visage, mais j'en sais rien. On n'est pas du tout calé. En fait, je pense mais moi, je rêve peu, pour être tout à fait honnête avec c'est vous. Pas vous vrai. Vous rêvez ou pas? Énormément. Toutes les nuits, chaque nuit. Celui de cette nuit, par exemple. Je vais le raconter. On n'en est pas fiers. Vraiment pas. On n'en est vraiment pas fiers. L'Oréal, avec plein de gens. Mais genre, et vous en souvenez le lendemain matin, tout parfaitement. Moi, c'est rarissime que je m'en rappelle. On a il paraît qu'on rêve tout le temps, mais qu'on s'en rappelle pas forcément. Moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Mais genre, c'est des rêves, sans être dans les détails, mais c'est des rêves genre un peu ouf. Parfois, c'est, des trucs... c'est juste un truc que tu fais en boucle. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Aïe, genre, tu... ton cerveau qui bégaye. C'est ça. Non, oula, souvent, ils me regardent tous avec des yeux. Ouais, bah, ça va, en plus, il n'y a pas les masques, donc c'est très. On a les masques, donc c'est très oppressant. Il y a juste des yeux. Genre, vas-y, on raconte. Toi, Lucas, t'as quel genre de rêve? C'est souvent des trucs très longs. Et soit c'est une aventure folle et épuisante. Donc à la fin, je suis plus fatigué que quand je me suis couché. Le matin, soit ouais. C'est des cauchemars horribles. Mais ah, vraiment, des cauchemars mais atroces. Oui, oui. Cette vie. Tout le monde est truqué. Avec des chiens éventrés et tout. Ah oui, d'accord. Mais la dernière fois, on en tout parlait. Le monde est instable autour de on en parlait. Et j'ai fait le rêve le plus mignon du monde. Et le plus simple. Bah, tu vas nous le raconter. Alors, je vais vous le raconter à la fin de l'émission. Non, maintenant. Oui, maintenant. Ouais, le watch time. Je l'ai senti, C'était juste un chien qui pleurait. Il était couvert d'habits. Il chouinait. Et en fait, j'enlevais les habits un par un. Et plus j'enlevais, plus il était heureux. Oh, c'est trop mignon. Et le truc, le rêve a commencé là et a fini au moment où il était heureux. Il m'a juste léché la joue, je me suis réveillé. Oh, mais ça. Et j'avais la banane. Bah non, j'étais à l'hosto. je m'étais craché en bagnole. Parce que bourré, parce que hors couvre-feu. Non, pendant le couvre-feu. Ah merde. Genre, nous, on les écrit nos rêves. C'est... Ah, t'as un cahier où t'écris tes rêves? Avant, on les écrit et après, rêve de ça. Il faut organiser quoi. Il faut que je rêve de ça. Non, mais c'est bien après, quelques années plus tard, de et t'as tout en mémoire, c'est trop bizarre. Tu le lis, tu fais Ah oui. Et tu t'as toutes les images qui reviennent et tu te dis Ah ouais, purée, c'était super. Un rêve heureux, un souvenir de rêve heureux à partager avec un souvenir de. Il n'y en a pas tant. Ah oui, non, d'accord, c'est des trucs un peu pas dans. Ah, bah, si je me souviens d'un. Mais tu sais, c'est des trucs un peu de bébé. Genre, c'est genre ton crush qui le dit devant tout le monde. Je t'aime. Oh, bah non, mais c'est bien. T'arrives tout nu à l'école. Ah, ça, c'est un enfer. Ah, ça, c'est dans les magasins. J'ai jamais fait ce rêve. Pour moi, c'est un faux rêve. C'est horrible. Et tu te caches. Faux rêve de cartoon. Ah, mais toi, t'as vraiment fait ce rêve-là, Denis? Ouais, tout nu dans un magasin. Moi, je hais les gens qui racontent leurs rêves. Oh là là, ça va. Non, moi, je voulais que Valentin raconte un rêve. Toi, t'aimes pas grand-chose. Il aime quand ça. Non, mais là, c'est bien parce que c'est des trucs courts. Ouais. Bah écoutez, souvent, mes rêves sont plus joyeux que ma propre vie. C'est pour ça que moi, je suis content de plus me rappeler de mes rêves. Genre, un rêve heureux comme ça. Le dernier en date, c'était cette nuit où hier. J'étais avec Bryan Cranston et il allait faire un projet avec nous, quoi. Ah, de Get Breaking Bad. Ouais, clairement, un de mes acteurs préférés, quoi. Ah, j'en on partageait un moment avec lui et moi je disais, putain, vous êtes un de mes acteurs préférés, vous présentez tellement de choses pour moi et tout. Partager un très moment gentil avec lui. Et tu t'es réveillé. Tu fais un unboxing avec Anissem. Tu t'es réveillé avec Léopold le Marchand. L'erreur, hélas. Non, avec Adrien, on avait eu un débat sur les rêves pas ouf. Pas un débat, je pense. Non, mais on en avait parce qu'on avait, on a le même truc. Où on fait des rêves où le rêve est pas très intéressant. Bah, je te laisse raconter toi. Non, parce que je suis pas drôle. Sûr de ma. De... Ah bon ? Je me rappelle plus donc vas-y. J'ai 40 ans. Je vais raconter le mien et après je raconte le tien. Je peux rêver de vêtements que je choisis dans ma propre penderie. En fait, c'est très nul. C'est nul. T'es une sorte de geek de merde. C'est ça, exactement. Star Wars ou Kevin Smith aujourd'hui ? J'hésite. Je vais être très bienveillant à partir de maintenant. J'ai trop un humour basé sur. Tu veux dire que t-shirt de geek de merde, c'était pas le truc le plus bienveillant ? Non, la plupart sont pas mal. Et rien, toi tu m'avais raconté que tu avais fait un rêve où tu choisissais ton équipe à FIFA. C'est ça. Oh, wow, mais attends, c'est fou, j'y pensais hier. Non mais c'est, alors, c'était Pro Evolution Soccer. Oh, pardon, excuse-moi. Ah oui, en fait, combien j'y jouais, je sais plus justement. Mais j'y jouais tellement. 95. C'est-à-dire que j'y jouais tellement au mode coach où tu fais tes recrutements et tout machin. J'étais à fond là-dedans. Je rêvais de ça, quoi. Des menus, du jeu, incroyable, quoi. Ah, mais. La merde. Et là, tu me poses des questions quand même. Bah, tu te demandes. Tu dis, est-ce que j'ai une vie de merde? Ouais. Aussi, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui est mieux, ma vie, mes rêves? C'est la même chose. Voilà. tout pue. Ça, tout vraiment est une tout droite. Est poussiéreux. Ouais, c'était la vérité. C'était totalement la vérité à l'époque. J'avais pas le droit de m'évader. C'était ça. Je peux pas vous dire mieux. Je rêve. Je relaxe, je suis amuse. Et c'était vraiment la réalité pour moi. Ça vous fait bien rire, c'est ma vie. Et je la subis chaque jour. J'ai quelques questions d'auditeurs pour vous. Et on a des gens effectivement, j'ai dit que vous étiez là. Et donc, du coup, ils se sont dit, mais on a des questions à leur poser à ces fanzouz. Déjà, est-ce que vous êtes ensemble? Mais c'est la blague. Ah, tous les trois, c'est un trouble, hein. Ouais, quoi? Un trouble de vaches. Le coup qui a passeport. Une question un peu pour tout le monde autour de la table. Est-il possible de se lancer sur Internet si on veut travailler dans la caméra et si on est tout seul? Question Internet, parce que vous avez commencé en groupe. Est-ce qu'avant d'être en groupe, vous avez commencé un peu tout seul, Valentin ou vous... On était au moins deux. Non mais justement, vous avez pas eu envie au début de le faire tout seul et là vous vous êtes retrouvés, quelque chose comme ça. Non, dès le début, ça a été créé par une envie de bosser ensemble. Je me suis jamais posé la question. Moi, je suis pas sûr d'avoir compris la question en vrai. Dit derrière la caméra, donc il veut juste filmer. Oui, mais moi j'ouvre un petit peu le débat. C'est est-ce que vous avez eu envie de vous lancer ensemble ou est-ce que vous avez eu envie de vous lancer et vous vous êtes retrouvés dans les envies de création? Mais déjà, c'était même pas genre une envie de se lancer parce qu'on n'avait pas de projet derrière, tu vois. C'était juste une envie de faire des trucs ensemble. Donc, même de là à faire des trucs ensemble, on s'est pas dit bah, je vais faire des trucs tout seul. Donc, ça m'a même pas traversé l'esprit, tu vois. Tout de suite, c'était le binôme en fait. C'est ça. Dès le début, en fait. Nous, on voulait juste jouer, en fait. Ouais. C'est ça. Ah, c'est d'abord une envie de acteur, et donc on écrit nos trucs. C'est ça, exactement. D'accord. T'as tout compris. C'est bon. fin de l'émission. Bon. Parce que quand t'as envie de jouer et qu'il y a personne pour te proposer des choses, fais-le toi-même, putain, et fais-toi plaisir. C'est le... pour le coup, c'est vraiment le truc. Toi, Lucas, comment ça s'est fait? Comment tu as rejoint l'équipe, d'ailleurs? Alors, moi... petit ventre mou. Moi en fait je me disais, je n'avais aucune ambition, j'aimais bien faire ça, mais du coup en fait mon truc c'était de faire des une chaîne, une vidéo. D'accord. C'est un concept. Ça peut répondre à ces questions. Pour bien se lancer. J'incarnais un personnage sur une chaîne qui portait son nom. Et après je le laissais et je ne le parlais à personne. Donc il y a 8 vidéos sur YouTube qui existent. Putain, c'est donc 8 chaînes. Donc. Mais voilà. Mais il y avait, tu vois, je me disais juste pas. J'allais pas vérifier si ça marchait ou quoi. Je jetais comme ça. Ça servait à rien. Tu t'es connecté, t'as plus les codes. Et puis après, si, j'ai une petite liste secrète. Un coquin. Puis après, je les ai rencontrés parce qu'on était à l'université ensemble avec Jenny. D'accord. Ah. Et il faisait des vidéos déjà. Compris. Et donc tu as rejoint la team. C'est ça. Ouais. Et l'envie de ce que c'était. C'était le tueur et la conne. Le tueur et la conne 3. Reloaded. Ouais, c'est ça. Et l'envie, enfin, tu faisais déjà des trucs tout seul à ce moment-là. Ouais, mais je savais rien faire et j'avais rien pour faire. Mais en fait, ce que je faisais surtout, c'était du détournement. D'accord. Comme Mosinor, mais. Ouais. C'était super. Mais t'en as refait là récemment aussi, avec les Schtroumpfs et tout. C'était oui. Super. Oui, ouais. Mais j'en avais fait un de Bref. D'accord. Il y a très longtemps. Ça s'appelait Bref, mon coloc m'a présenté cette fille. Et en fait, c'était présenté comme si c'était un épisode de Bref que personne n'avait vu. Donc tout le monde voulait aller le voir. Sauf que c'était le film Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Là. D'accord. Très mal doublé sur Windows Movie Maker. Je pouvais pas gérer toutes les micro-images. Du coup, il y a des trucs mal. Des sauts d'images, trucs, ouais. Y a le son n'est que à gauche. Et c'est juste horrible. Et pas drôle. Donc j'avais genre. Un c'est million de pouces été. Rouges, mais un million de vues quand même. Ah oui, d'accord, donc un gros succès quand j'ai même. J'ai fait le million de vues une fois dans ma vie. Ouais. Et ouais, mon pote. Propre. Et comment vous rencontrez d'autres gens? Parce que ce qui est marrant dans le monde à l'envers, c'est qu'il y a vous deux, mais on a l'impression qu'il y a toute une team autour de gens qui viennent souvent, que ce soit. Et tout un team aussi. Timochet. Je t'adore, tu m'entends? Je t'adore. Bah, je comprends. Il y a Timochet, il y a Roxane Brett, Vincent Tirel qui est revenu plusieurs fois aussi. Comment vous trouvez ces gens? Est-ce que vous les, ces gens que vous croisez, que dont vous je êtes fan de base? Ça part d'une envie de jouer avec eux déjà, et puis comme ça matche bien, bah on continue. Ouais. Super. Et souvent on écrit des rôles et on pense direct. En écrivant, souvent on a déjà l'idée de qui va jouer ce rôle-là. Et sur le Prime TMC, comment ça s'est passé? Comment c'est eux qui vous ont approché? C'est Ouais, ils ont dit est-ce que ça vous dit de faire un Prime? Bah allez. et tout simplement, non. Ce qui était très cool, c'est que on a vraiment écrit toutes nos vidéos comme avant. Enfin, rien n'a changé. Ils n'ont pas censuré des choses parce que c'était la télé. Nous, on leur a dit, mais attendez, vous êtes au courant qu'il y a des gros mots, que c'est trash? Ils ont fait, oui, mais si on fait appel à vous, c'est... Des gros mots. Des gros bébés. Des gros mots. Ils nous ont dit, si on fait appel à vous, c'est parce qu'on aime ce que vous faites, quoi. Donc, on va pas modifier ce que vous faites. Si ça marche comme ça, il faut pas le modifier. Ouais. On a fait, trop bien. Ouais. Et ils ont rien modifié sur tout ce qu'on a fait. C'est trop cool. Ce qui est rare, en plus, en vrai. Bah, à part, oui. Si ça modifie un petit peu des trucs. Par exemple, dans la vidéo des Marseillais, on a dû mettre des bips. Oui, juste ça, pour le Prime. Ouais. Donc vraiment, littéralement, le truc que t'as dit. Ils ont dit, mais attendez, on va rien changer. Exactement. Les gros mots, exactement. Sur le coup, ça m'a un peu... Il y avait que ça, ouais, sur les Marseillais, où il y avait des bips, mais ça marchait bien, parce que dans l'émission, ils coupent aussi les gros mots. Et donc, ça rajoute une blague. Voilà, et il n'y avait pas, comment dire, de blagues qui ont été changées. En mode, non, cette blague, on ne peut pas la faire. Il n'y avait rien. Et peut-être un mot à changer de temps en temps, mais il n'y a pas eu... C'est cool. Pourtant, il y aurait eu des choses à changer. Il y aurait eu des choses à changer. Il aurait fallu, mais... On n'a pas senti. Mais ceci étant, déjà sur Internet, vous faites quelque chose limite qui est le plus dans l'ADN télé, puisque vous faites beaucoup de parodies d'émissions. Donc c'est quelque chose qui était presque logique. Ouais, tout le monde nous dit ça, mais j'ai l'impression qu'à la télé, il y a plus trop ça en ce moment. Ah non, il y a plus. Mais parce qu'en fait, moi je pense à ça parce que pour parler de nous, notre expérience, c'est vrai qu'on avait fait le premier sketch show de la moustache. Qui était sur W9 à l'époque, il n'y en avait pas trop. Et sur le deuxième, il avait été demandé, vous voulez pas trouver des parodies d'émissions? En gros, il y avait un espèce de truc pour la chaîne qui était, non mais les gens ils aiment bien voir leurs émissions qu'ils aiment bien parodier. Je sais que Camille Combat elle a fait ça aussi, il s'est incrusté dans des shows télé. Enfin, en tout cas, le truc de la parodie, c'est quelque le truc de la parodie, c'est quelque chose qui est très français. Donc c'était pour ça aussi que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont dit c'est parfait que vous soyez, parce que 20h50 c'est ouf quand même, c'est super. Ouais, ouais, c'est cool. Dingue. Et vous avez eu des bons retours? Ouais, ça c'est fou. Sur Twitter, j'avais peur d'y aller. Et il n'y avait que des bons retours. Il y avait vraiment. Enfin, c'était fou, c'était incroyable. Bon. Mais c'est passé aussi vite que c'est arrivé, quoi. Je me rends même pas compte qu'on a fait un Prime, parce que tu dis c'est une soirée, tu travailles un an, une soirée, au revoir. Ouais, ça a été vraiment trop. Mais ça, c'est tout, hein, j'ai l'impression aujourd'hui, oui. Hein, en vrai de vrai. Ouais. Moi, je sais, quand j'ai écrit sur la flamme, il y avait le truc de t'as 7 mois de promo extrêmement intensive où il y a de la pub absolument partout. Ouais, et en 3 soirées, terminé. Il y a une nouvelle série qui arrive derrière et tout. Ouais. C'est assez flippant. C'est trop bizarre. Hein. Ouais, c'est assez flippant. C'est une nouvelle c'est l'aventure qui compte. C'est pour ça qu'il faut kiffer. C'est le chemin en fait qui compte. C'est pour ça qu'il faut kiffer. Pas là où tu vas. Oh putain. Mais t'es un pur kiffeur toi. Non, t'as raison. Quand le truc est là, bah, je kiffe en fait. Il y a un auditeur qui demandait si vous aviez déjà eu l'idée de faire des caméras cachées avec vos personnages. Ou est-ce que on y a déjà pensé. Ouais. Oula, mais... il a un peu envie de dégueuler quand même. Non, je sais pas. Enfin. Bah, faudrait que ce soit hyper bien. Ouais, moi, je vous en supplie, ne le faites pas. Non, vraiment, moi, conseil. Mais ça jamais. On y avait pensé, mais on a vite abandonné. Parce que vous avez peur. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je sais pas, mais moi oh ça. Voilà, comment il vous provoque. Ah, flippette. Moi, moi je parle vraiment qu'à mon nom, c'est un truc qui m'a pas trop tenté, tu vois. Ça m'a jamais vraiment tenté les caméras cachées. Ouais. Plus parodier ça, tu vois, plutôt que d'en faire une vraie. Vraiment, non, ça me tente pas. Moi j'aime bien le fait de te mettre dans la peau d'un personnage et de pas en sortir jusqu'à la fin, alors que tout est fait pour que t'aies envie d'arrêter de. Ouais. Moi, je crois que je serais trop mal très vite. Ouais. Tu vois, et je pourrais faire pas. Chier les gens, ou de... Oui, je pourrais pas continuer ce truc parce que je me dirais, putain, c'est vrai, parce que je suis en train de lui faire là. Moi, c'est ce que je me dis quand je regarde des caméras. Oui, bah voilà, par exemple, Greg Guillotin, tu vois, quand je regarde, tu vois, ça me fait rire, mais je me dis, mais putain, mais c'est horrible. Ouais, en l'occurrence, moi, je pensais plus à genre François Damien Succès, c'est pas horrible. Et limite, c'est. Ça dépend des fois quand même. Ça dépend des fois, mais. Il y a un peu. Mais c'est en fait, la solution. Pardon. Non, j'avais rien. En fait, la solution, c'est de faire des caméras cachées. Et d'aller faire chier des gens que t'aimes pas en fait, tu vois, si tu mais c'est tu vois ce que fait Sacha Baron Cohen, voilà, et tout, quoi. Exactement, oui. Et d'aller voir des gros racistes et de leur faire dire des trucs horribles, de se foutre de leur gueule et tout, ouais. Mais c'est faut pas avoir les couilles, hein. Voilà. Ouais, faut pas avoir peur, hein. Faut avoir peur de mourir. Après, c'est... ce qu'il a eu, lui, parce qu'il a failli se faire buter sur le 2 là. Après le truc des présidents. Non, c'est quand il est sur scène, il fait de la country dans un truc d'anti-masque. Oh. Et apparemment, il a été mis dans une camionnette à l'arrache et les gens ont essayé de le sortir de la camionnette pour lui péter la gueule. Ils ont reconnu que c'était lui. Ils ont reconnu que c'était lui et ils le savaient de démocrate. Et donc, super du coup. Il est pas dans le film. Ils l'ont quand même coupé le truc alors que tu te dis, bah là, il pouvait vraiment. Ah, je crois que tu parlais de la country. Mais non, le moment, il est super. S'ils hurlent son prénom, ça sort les gens de la fiction. Oui, c'est vrai. J'en sais rien. Non, puis c'est peut-être badant, juste. Oui, c'est juste horrible. Ouais, je pense, mais c'est vraiment ça, parce que la vidéo, il l'a mise sur Twitter, Sacha Baron Cohen, en vrai, elle est juste badante, quoi. Enfin, y a rien il l'a mise quand même. Il l'a mise sur Twitter, pour dire, regardez. Tu penses qu'il l'aurait tué, vraiment? Non, je pense pas qu'il l'aurait tué. Mais en vrai, il y a beaucoup il de gens. Il aurait tiré les oreilles, je pense. En tout cas. Lucas, pas barre de bretelles, pardon. Lucas. Lucas, comment se passent les tournages de La Vie Douce? Alors, déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est La Vie Douce aux gens? Parce que c'est une chaîne qui a quand même du succès, mais La Vie Douce, c'est autant qu'elle devrait, je trouve. C'est pareil. C'est une chaîne fabriquée par Célia Mila et Bastien Garcia, qui sont également comédiens dans la série d'ailleurs. Et c'est des épisodes de 20 minutes à peu près. Et ça suit à chaque fois des gens, mais c'est. La vie. C'est doux, quoi. C'est la vie, c'est doux. Je sais pas. Je sais pas, c'est dans le titre au final. Tout est dans le titre. Non, mais c'est vrai, c'est des moments de vie. Alors, ça veut toujours tout et rien dire, mais l'idée, c'est de. C'est très naturaliste. Exactement, c'est de trouver vraiment la sincérité du truc. Donc, la question était, comment ça se passe un tournage comme ça? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est. Alors, je me souviens qu'au tout début, c'était très écrit. Et au fur et à mesure, ils s'en avaient plus rien à foutre. Non, je rigole. Au fur et à mesure, ils ont réussi à trouver leur méthode de travail, en gros. Où ils te font venir, ils te disent voilà, là ton personnage a fait tel truc, faudrait que là tu parles de ça, de ça, de ça. Et puis en fait, après ils laissent tourner et c'est toi qui. Ouais, c'est bien ça. Tu joues, super. En fait, tu joues vraiment. Ouais, c'est, coup, c'est vraiment bien. Joué. Ouais. C'est vachement bien la vidéo, ça. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous tombez dessus. Il y a plein d'épisodes. En plus, il y a pas mal d'épisodes. Ce qui est cool, c'est que si tu découvres ça, t'as de quoi manger. Quoi. Est-ce que c'est là-dedans où il y a Kemar ou je. J'en ai entendu parler. Ouais. Une question bon, un peu pour tout le monde, mais je pense surtout à Valentin et Jenny. Est-ce que pour l'une de vos vidéos, vous êtes déjà dit on est allé trop loin? Ce que j'aime bien, c'est entre parenthèses, blague dégueu par exemple. Comment ça? C'est quoi cette question? C'est un rageux, je pense. Ouais. Selon moi, c'est un rageux. Non, mais est-ce que des fois vous êtes au montage et vous dites ah, on y est allé? Ou est-ce que même des fois vous vous dites là, je coupe un peu parce qu'il y a beaucoup quand même. Non, franchement, par exemple, on n'a pas vraiment coupé de trucs. Rajoute. Mets un bruit de paix. Laisse encore plus. Non, il y a juste un moment où on avait fait la suite d'un dîner presque parfait 2, mais on était allé dans la mauvaise direction. C'était nul à chier. Et du coup, on l'a pas faite et on l'a retournée des mois plus tard. Mais sinon, on n'a pas vraiment de trucs où on se dit putain, on est allé trop loin. Trop bizarre. Et c'est même pas un but en fait. Vous essayez pas d'être trash, c'est juste c'est des trucs qui vous font marrer. Ouais, c'est machin, ça. C'est des trucs qui nous font marrer, nous de base. C'est notre humour. C'est... Donc on se dit pas oh, attention, il faut être trash. Hein. Non, c'est juste, je sais pas, ça nous fait rire quoi. Ouais. La gerbe, caca. Et c'est quoi vous avez des inspirations par rapport à ce que vous faites? La gerbe. Tous les soirs. Avant d'écrire, on regarde un bon saut de gerbe, un bon saut de gerbe droit dans les yeux. Placenta. Mais un burrito. Non, mais des humoristes. Ouais, je pense que on a été baigné par les inconnus, les nuls. Les nuls. Ça, du coup, je pense que ça. Les déchiens, beaucoup. Les déchiens. Mmh. Ah, mais tu vois, les déchiens est moins cité, par exemple. C'est vrai. Les déchiens. C'était ma vie. Je comprends. Mais ouais. Dumb and Dumber, enfin Jim Carrey, les frères Farrelly. C'est vrai que les frères Farrelly, dans c'est vrai, je vois le lien. Ah, ok. Et toi, Lucas? Ah, je crois que c'était une vanne. Non, pas du tout. Parce qu'eux sont très talentueux, ouais. Je vois ce que vous essayez de faire, ouais. Alors, Lucas. Non, mais dans ce truc-là, très libre, c'est ça que je veux dire. Et toi, Lucas, t'as. Là, évidemment, je n'ai rien qui me vient, mais moi, oui, Sacha Baron Cohen, par exemple, c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. Mais c'est le truc qu'on vient d'en parler, arrête de faire ça. Je viens de le dire. Il connaît pas du tout. Si on avait dit Sardou, t'aurais dit Sardou. C'est un imposteur. Il a rien. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'aller dans des trucs plus dramatiques? Allez, vas-y, t'as autre chose, J'ai autre chose. Bah, vas-y. On n'avait pas parlé en plus. Ouais. Allez, vas-y. Non, c'est Tim et Eric. Bah oui, ah bien oui sûr. Ah, évidemment, putain, Tim oui et Eric. Génial. Eric André aussi. Ah, mais si, il y a Ken Peele aussi. Ken Peele, oui. Donc on gratte, et voilà. Excusez-moi, je sors de mes gants. Tout ça, sous la croûte, il y a toujours quelque chose. Bah oui, mais finalement, faut gratter. Du sang et du pu. Et d'ailleurs, tout ça, c'est sur YouTube, je crois. Tim Eric, je sais pas. Mais je sais qu'Eric Tim André et Ken Peele, non. Mais Eric André et Ken Peele, il y a beaucoup sur YouTube, si vous sur regardez. Sur Facebook, des fois, ils mettent des petites pépites. Tim Eric. Facebook, le truc de boomer. Non, tu sais. C'était The Awesome Show, je sais pas si vous aviez vu ça. Oui. De Tim Eric, ça, c'était, pour moi, c'était formidable. Ouais. C'était leur film, j'étais épuisé. Non, c'était des petites émissions de 20 minutes, mais avec des c'est liens entre chaque les... sketch, mais c'est que du tout. Les tétons, c'est horrible. Si, il y a ça, oui, bien sûr. Non, mais il y a des... Oui. Mais c'est ça avec le générique incroyable, non? Il y a un générique qui est fou. Et les visages qui se décomposent. Voilà, c'est ça. Mais il y a un truc. Mais des fois, même, t'es bizarre parce que c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment juste. Oui, ça te met horrible. Au plus mal de ta vie, quoi. Bah, c'est le un malaise. Personnage horrible. C'est le malaise. Des fois, c'est des genres de trucs où je regarde et je suis pas forcément attentif, mais juste ça me fait voyager. Tu vois, je pense à d'autres trucs. Ouais. Ça te fait créer. Enfin, mais ça des fait... fois, tu rigoles pas, ouais. Et t'es vraiment choqué. Et juste après, t'éteins et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ils viennent de sortir un film, je crois, non? Ils ont fait un film il y a longtemps. Non, mais là, je crois qu'ils viennent de sortir un truc là, je crois. Et qui paraît très malaisant, d'après ce que j'ai lu. Ah, il faut. Ouais, je crois, hein, peut-être je dis n'importe quoi. Et le truc que vous m'avez fait découvrir, I Think You Should Leave, c'est qui? Ah, oui, bah oui, bien sûr. Tim Robinson? Oui. Tim et Eric. Très bien. C'est incroyable. Sur Netflix, ça, pour le coup. Oui, voilà. C'est sur Netflix. Et trop bien de voir des sketch shows sur Netflix. Mais oui. Question, oui, donc pour tout le monde. Est-ce que vous avez envie. Vous l'avez fait un peu d'ailleurs sur votre chaîne avec. Avec le sketch, putain, j'ai oublié le titre, l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Anto. Joyeux anniversaire, Anto. Est-ce que vous avez envie de voir des trucs un peu plus dramatiques? On parlait de la vie douce avec Lucas. Est-ce que c'est quelque chose en qui fait, peut vous en fait, on en a parlé dans notre FAQ, donc si tu l'as pas vu. Oh ouais, mais il y avait que pour Inno Shield, alors j'ai coupé. Je n'avais jamais écouté un seul podcast, donc ça. Si, et moi si, c'est Valentin qui a jamais écouté. Frappez-moi, mais pas. Laissez-la en dehors de ça. Oui, frappez-le, devant moi, flèche-le. On le fera. Non, moi je pense j'ai très envie de changer aussi un petit peu d'envie. Je sais pas toi si t'en as envie aussi. Bah non, c'est non. Et oh là là, la fin du duo. Mais pas, mais bizarrement pas sur la chaîne. Enfin, je sais qu'on avait demandé dans la FAQ. Il y a beaucoup de gens qui disent bah non, c'est quand même le monde à l'envers, restez comique. Mais jouer sur cette ligne. Comme Joyeux anniversaire Anto, où t'as quand même du comique et t'as un peu de drame, tu vois, c'est cool aussi. Et ça, ça plaît sur le monde à l'envers. Ouais. Où on garde nos persos quand même de parodie et tout. Et en vrai, si vous avez pu, si vous avez envie d'essayer autre chose, faites-le. Quoi. Ah oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais sur une autre chaîne, ouais. Mais non. Non. C'est sur la pause. Je dis l'inverse. Non, mais cela dit, c'est cool d'avoir des persos un peu cultes pour les gens, ce qui peut être une bonne porte d'entrée pour proposer autre chose aux gens en plus. C'est de dire vous retrouvez ce perso, mais dans. Prendre en douce. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Tu vas te marrer. Bah non, tu chiales, mon pote. Tu vas pas venir. C'est ce qu'on avait fait un petit peu avec des vidéos. C'est ce qui marche le mieux, limite quand un personnage te fait rire. Alors quand tu le vois triste, ça te touche encore plus. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres envies que du YouTube après avoir fait, vous avez fait de la BD, vous avez fait un sketch show, est-ce qu'il y a d'autres envies je sais pas si c'est lancé ou pas, mais en tout cas en termes d'envie, est-ce que vous avez envie d'aller un peu ailleurs? Bah nous, c'est le but final, c'est cinéma. Hein. Ouais. Mais rêve, hein. Cinoche, tu sais, tu connais. Et est-ce que quand vous dites cinéma, ça peut vouloir dire Netflix par exemple, ou c'est cinéma? Cinéma. Moi c'est cinéma, ouais. Ouais. Toi aussi, c'est mort le cinéma. Bah ouais, ils sont en train de crever, je sais. Justement. Je me rappelle que va dans la rue. les gens s'entassent dans des supermarchés, je me rappelle. Et les salles sont fermées. Les salles sont fermées, on en parle. Excusez-moi. N'en parle pas. Moi je pars au quart de tour si on parle de ça. Mais non, c'est pas. Ose-t-il dire que nous sommes non essentiels. Mais bon, faut pas se laisser faire. Hein. Bah non. Parce que sinon on dit ah bah non, pas le cinéma, c'est fini. Ouais. Bah non, bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas vous, c'est un truc qui vous tourne. Bah ouais, on a un amour trop immense pour le cinéma que. J'ai pas la fin de la phrase, voilà. Non, mais tu as bandé, ce qui est déjà top. Parce que non, mais c'est mieux qu'une phrase. Non, mais tu vois, par exemple, imagine, on te dit ah, écoute, là, j'ai un petit film et tout, il va sortir au cinéma, mais pas tout de suite. Ou alors, j'ai un petit film, il va sortir sur Netflix l'année prochaine. Bah, enfin, maintenant, tu vois. Ouais. Moi, je serais tenté de choisir le cinéma, tu vois. Ouais, d'accord. C'est vraiment ce truc de la salle, putain. Enfin, c'est depuis tout petit, tu vois. C'est un truc qui nous a nourris. Enfin, voilà. Même si j'adore, bien sûr, Netflix, mais c'est pas la même chose pour moi. Et Lucas, toi, raconté des histoires plus longues, parce que tu as écrit sur Calls. Tout à fait. Très belle expérience. Oui, comment ça s'est passé? Parce que tu connais Tim depuis longtemps. Oui, je l'ai connu grâce au monde à l'envers. Il y a Timothée et Hocher. Et oui, on a vite vu qu'on avait des petits points en commun. Je sais pas comment dire. Des atomes crochus. Voilà, exactement ça en fait. C'est nerf. Et pendant le confinement, et oui, il m'avait proposé si je voulais écrire un truc, je dis je serais ravi, voilà. Et puis ça s'est très bien passé, et j'ai découvert les joies de l'écriture que je ne connaissais pas tant. Pardon. Je suis désolé. Non, mais quelque chose de plus sérieux en tout cas. Non, mais que j'écrivais moi, tu vois. Ouais. Et c'était fou, c'était trop bien. En plus, c'était de l'horreur, j'aime beaucoup ça. Mais si, en fait, on boit tes paroles. Ouais. Tu vois pas? Tu te rends pas compte que. Et non, ouais. C'est une gourde pour moi. Non, c'est pas une gourde, c'est une source. T'es une source. Pardon, c'est une source. T'es un modèle à mes yeux. Oh, non, je me suis trop livré, pardon. Ce que j'aimerais bien, ouais, c'est plus l'illustration, tout ça en ce moment. Mais enfin, tu vois, une BD, j'en sais rien. Mais oui, parce qu'on peut dire que t'as un compte Insta de dessin. Dessin.pastor. Il y a des trucs très marrants et très jolis. Ouais. Mais après, c'est des trucs. Enfin, je veux faire un beau truc, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas. Mais c'est compliqué. Non, j'allais dire, n'hésite pas à être talentueux dans tous les domaines, hein, surtout. Ouais. ne laisse la place à personne. Ouais, voilà. Prends tous les trucs artistiques, vas-y, n'hésite pas. J'ai gêné, putain. La chanson. Eh bien, écoutez, c'est marrant, vous parlez de chansons, je vous propose un petit jeu, parce que moi aussi, tous les domaines auxquels je touche, c'est fou, c'est de Laurent Barre. La chanson en fait partie. Je suis un des meilleurs chanteurs de ma génération. Laurent Barre, c'est le frère de Jean-Marc Barre. Non. Je vous fais tous un high five. Mais attends, je n'ai même pas compris. On n'entend pas là, mais ils sont tous morts de rire. Jean-Marc Barre, l'acteur, tu connais? Non. Ah, c'est pour ça. Crevé, en fait. Le grand bleu, c'est le chauve du grand bleu. Ouais, le ah, faut que je regarde. J'ai 40 ans. Alors. Faut que je regarde. C'est quoi le jeu? C'est Fortnite? Non, ça n'a rien à voir. Ouais, oh, Fortnite, Brigitte. Un jeu de. Ouais, Brigitte. D'ailleurs, vous savez que ça, c'est faux, hein, tout ça. Cette histoire de Brigitte Macron. Ah bon, elle a pas dit ça. De Minecraft. Non. Qu'est-ce que c'est? Elle a jamais dit ça. Il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux où Brigitte Macron a dit Fortnite. Moi j'ai encore plus Fortnite. Quoi. Leur jeu là, Fortnite, ça me fait peur et c'est dangereux. Ouais. Et en fait elle ne c'est tu en fait elle joue tous titre. Les jours. Non, c'est hors contexte à mort quoi. C'est hors contexte parce qu'en fait elle venait voir une pièce de théâtre d'adolescent qui jouait un truc où un enfant et t'es addict à Fortnite, nani nana. Ah, et elle a fait oh là, oh là là, bah oui, dis donc, ça a l'air dangereux. Enfin voilà, mais donc et elle a réagi. Quoi. Et comme ouais, quoi les médias, hein, faut se méfier de ce qu'on lit. C'est ça, toutes les infos, c'est faux. Voilà. En tout cas, les gens ont pris l'annonce avec, avec calme et tout. Ils ont du coup réagi à chaud. Pas, ouais. À l'image de Twitter, toujours mesuré. Du recul. Donc, moi, je. Donc c'était un plus hyper important de réagir là-dessus. Oui, oui. Même si c'était vrai, quoi. C'est très important. Donc, je pousse un peu la chansonnette. On va jouer au jeu du Damien 17. Qu'est-ce que c'est le jeu du Damien 17? Oh putain, c'est. Est-ce que vous connaissez le chanteur Damien 16? Bien sûr. Oui. C'est un chanteur qui dénonce. Il a fait d'ailleurs une chanson qui s'appelle J'accuse, où il crache sa haine et sa bile contre nos dirigeants. Le jeu est très simple, Damien 17 que je vais vous interpréter crache sa bile sur des gens, à vous de deviner de qui il s'agit. Ah, j'espère que tu vas faire la voix de Damien. Bien sûr, le sentir. Il a sa petite musique et tout. Je l'ai jamais fait avec un masque, je ferai mon max. Est-ce que c'est un truc que tu as écrit ou c'est des vrais trucs qui ont été écrits? Non, j'ai tout écrit. J'ai tout écrit moi-même. Je te prends dans mes bras. Vous pouvez vous ne pouvez pas, putain, arrêtez avec ça. Je le dis justement. Ah oui, vous pouvez pas. On commence assez facilement, vous pouvez me couper à tout moment, il y a aucun problème. J'ai hurlé. Ah, c'est la même chanson. Dans cette grande bannière étoilée, t'as pas mis longtemps à filer. Les yeux et ça, t'es le plus gros Mac. Ouvre ta Windows, mange ton Big Mac. L'ex-patriote, t'as du plomb dans l'aile. Tes casquettes se ramassent à l'appel. Des gros nulos, tu rejoins le club. Seul dans ton golf, avec ton club. T'as la bonté de Forrest Gump. Et c'est vachement t'es plutôt bien. Raciste Trump. Donald Trump. Voilà, magnifique. Superbe. Magnifique, un point pour Adrien et attendez, et je crois que j'ai pas compris. C'est quoi le jeu? Il faut deviner de qui il parle. Ah d'accord. Oh non. Il trache quelqu'un. Oh non. On a recommencé. T'as recommencé, Jen. T'en as repris? Oh non. Pas là, pas maintenant. Oh non. Pas là. Ah, non. Oh non. Pas ça, Zinedine. C'est ça, pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Attention. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui, maintenant, oui. Ça oui. Repart. C'est Damien 16. C'est Damien 16. Non, pas ça. Attention, ça repart. Ce sera la même chance pour non, puis je vais chercher la bagarre. Même si je vais perdre, y'a pas d'hasard. Aussi sombre que ta ceinture. Dans ma Singer, t'es à la hurle. Tu peux te brosser, je suis un nanar. Je mangerai pas ton papy brossard. J'ai pas de pièce jaune, j'ai le sang contact. Patrick Bruel. J'ai pas du dos, j'ai le full contact. David Douillet. T'as essayé de deviner la voix? Non mais non, oui, en fait, pendant qu'il chantait, j'étais là, putain, il fait Patrick Bruel en fait. Du coup, quand j'ai voulu, j'avais voulu répéter. David Bruel. C'était David Douillet. C'était David Douillet. C'était David Douillet. Attention. Je suis si long. Attention. Ah, pareil, moi je. Non, mais David Bouillet. Bah, après Adrien il joue sa vie. C'est hyper, vrai. Il meurt donc. Je le considère comme mon gosse. Mais... Attention, nouvelle personnalité. Patrick Bruel. Cheveux rasés ou bien diffus, un nom de BD pour qui te prends-tu? Alien migrant que t'as expulsé après l'avoir bien fait trimer. Et ce squelette riche comme Crédus, c'était de la 3D, tu le prends pour des bus. On vole au-dessus de l'eau, il était pas si beau le lavabo. La gaffe juste J'étais resté bloqué sur les lavabos. Cheveux, mais je suis con. Raté ou bien diffus. Voilà. Ah oui, le nom de la BD, bien sûr. Ouais. Ouais, j'ai pas compris le squelette. Ah, la BD, putain. La BD, j'ai pas compris. La BD m'a perdu. Et ce squelette riche comme Crésus, il avait fait un jeu télé qui s'appelait Crésus où il jouait avec un squelette en 3D. Ouais. Voilà. Mais en fait, j'avais compris un an de BD. Oui, oui, moi aussi, j'avais compris un an de BD. Si vous voulez, je m'allonge et vous me chiez à la gueule. Mais ça va. C'est qui du coup? C'était Vincent Lagaffe. Eh ben attends, dû dire le big deal. Ouais. J'aurais compris dire. J'ai dit alien migrant que t'as expulsé après l'avoir bien fait trimer. C'était big. Là, c'était deal. Mon ami Vincent, j'ai plein d'imitations, d'accord, dans ma petite. Ou le père. Il y avait pas le père et ça c'était dramatique. Il y avait pas le père dans le big deal. Attends, c'est qui? La sœur, le frère, la mère? La mère, et on n'a jamais su ce qui était arrivé au père. Pour moi, c'est barré. Peut-être un podcast. C'est pas Bill. Un podcast raconte sur le. Non, Bill, c'est l'enfant. Ah putain, attends, mais Bill. Mais si, Bill, c'est le père. Ah, genre, c'était oui, la mère, c'était sa femme. Oui. La mère. Mais non, la mère, c'était sa mère à lui. Non. Oh putain, attendez, vous venez de. C'est Minecraft, là. Le monde s'effondre sous le mes pieds. Le monde, il est à l'envers ou Attends. Pour moi, Bill, c'était le père. Attends, c'est. Pour moi, Bill était l'enfant. Bill. Il avait un frère, une sœur et une mère qui était la mère. Mais non, mais il y avait quatre persos à la fin, non? Non, il y en avait trois. Il y en avait trois. Il y avait derrière, il y avait la voiture derrière le rideau. Père, est-ce que tu penses que c'est Vincent Lagaffe qui a écrit Tenet ou pas? Parce que là, mec. Ça se trouve, c'est Vincent Lagaffe le père. Cela dit, Vincent Lagaffe est peut-être le père de Bill. Ah non, mais c'est... putain, alors. Et vous, Bill, vous voulez savoir un truc? Non, c'est un costume. Non, il est en costume. Il est en costume. Non mais il est en costume. Je veux dire c'est. Il a un costume, il a une cravate. Ouais, ouais, carrément. C'est pas un enfant. Non, c'est pas un enfant. C'est le père. C'est peut-être le père. Putain, c'est. Et sachez, en tout cas, pour savoir comment gagner, mais c'était impossible puisque les émissions étaient enregistrées. Mais à chaque fois, le cadeau se cachait. C'était dans l'ordre. Ça faisait gauche, droite, gauche, droite. Enfin, je veux dire dans l'ordre des gens qui avaient. Ouais. Mais vu que c'est enregistré, les gens pouvaient pas savoir. D'accord. Et vraiment, moi je savais à chaque fois. Ouais, bah, donc, mais quand tu regardes en tant que spectateur. Quand tu regardes la télé, bah là aujourd'hui c'est ça vu qu'hier c'était à gauche. Voilà. Tu regardais tous les jours. Putain. Ouais, j'étais un putain de beauf. Ouais. Non, c'est pas ça que je sais. Ça va pas, quoi. Donc a priori, effectivement, il y avait la mère Toli Lola. Elle avait des noms. Bah oui, oui. Oh, il est sur le Wikipédia. La sœur Loli Lola, renommée Zora. Et Toyoyo, le frère de Bill. Et il a donc un autre frère, un jumeau nommé Jojo, qu'il appelle pour draguer. Bon, ça, non, allez. Bon, ça va. Ouais, c'est vrai. Donc, il avait quatre. Il appelle pour harceler des meufs dans la rue, apparemment. C'est vraiment ils étaient quatre. Le Big Deal Cinematic Universe, il y a vraiment beaucoup ils de ont tous des noms un peu stylés, genre Yo-Yo-Yo, Papi-Ploum, Bill. Bill. Bill, le bon Bill. Ouais, ils étaient quatre, mais en fait, ils sont trois du coup. Non, ils sont trois plus Bill. Ah là là, j'ai un souvenir des quatre cases, quoi. Tout n'est que quatre, parce que dans le quatrième cas, c'était eux qui jouaient, c'était les. C'était la caméra, la quatrième case. Ah, ok. Ouais, on fera un spécial le Big Deal un jour. On pourra en parler bien. Mon ami Vincent. Attention, nouvelle personnalité à découvrir. Est-ce un bonnet ou un chapeau que t'as sur la tête? Ça me rend marteau. Beaucoup trop grand pour ce bas monde. T'as de grosses dents, n'as-tu pas honte? Le chien de ton pote n'a pas de vêtements. Et toi, tu te pavanes devant. As-tu honte de ta race ou plutôt est-ce que tu détestes pour plutôt à Disneyland? Je t'aime pas trop. T'es un gros chien. Tu es Pluto. Super. Ça tu m'as dit. J'ai cru quand même dit Pluto. Après moi j'ai arrêté l'école en 6ème donc bon. Attention, nouvelle célébrité. C'est un chapeau je pense. Pour répondre à ta question. Non, je pense que c'est pas un bonnet. C'est pas un bonnet. Non. Bah, je me pose la question. Mais oui, c'est un, je pense c'est un chapeau. C'est un chapeau. Ouais. Il y a une partie rigide quand même. Et il y a un petit bandeau, tu vois. Ah ouais, comme ouais, sur tous les chapeaux. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais peut-être. Je sais pas, je pense que c'est une espèce de truc. Il en a marre, lui. Non, pas du tout. Attention, nouvelle chanson. T'es arrivé dans notre vie, juillet 2020, oui je crois. J'ai COVID, pas de télé, je te connais pas, et tu seras jamais mon ami. La France tous, ne vois-tu pas, derrière le masque souffle la tempête. Castex. Les gens s'agacent, mesure casse-tête, le peuple gronde, j'en casse-toi. Préfère une bonne blague de texte qu'une allocution de Jean Castex, tu nous casses la tête. Jean Castex, tes lunettes sont rondes. Jean Castex, t'es premier ministre. Jean Castex, t'es plutôt sinistre. Wow. Ça dénonce. Ah, on a pas peur. Par j'aime contre, bien. Les lunettes, ça se fait pas, mec. Bah, on a dit le physique. Elles sont, j'avoue, elles sont rondes et tout. Il y a des petits yeux d'écureuil. On a rien dit, je crois. Les dents de dingo, personne n'a réagi, ça choquait personne. C'est vrai. Chers amis, est-ce que vous avez pensé à une recommandation culturelle à partager avec nos auditeurs? J'ai envie de commencer par Jenny, ni plus ni parce moins. Parce que je suis une femme. Non, juste parce que je te trouve top. Oh, bah ouais, super, même. Il est super. Après, moi, je vois pas les différences, donc voilà. Pareil, à part les nichons. Et encore. Un vrai détecteur à nichons, ça. C'est sérieux. Moi je on voulais parler. Ça, certainement pas. Ça va durer 10 minutes sans podcast, tout est supprimé. Moi je voulais vous parler du film Victoria. D'accord. Qui m'a été. recommandé. Ah merci. Non, je t'en prie. Ouais, il est énervé. Allez vite. Mais pas du tout. Le watch time. En fait, le masque cache son petit sourire mutin. Non, mais tu peux pas me blairer, il y a aucun problème. On va vite repartir chez nous. Mais il y a deux Victoria. Faire attention. Victoria, le film, le plan séquence de 2h20. Ah, et non pas le film avec Virginie et Fira, bien sûr. Voilà. Mais non. C'est Timothée Hochet qui m'a fait découvrir cette merveille et je veux maintenant tourner un plan séquence de 2 heures. Ah ouais, et c'est quoi l'histoire, sans rentrer trop dans les détails pour sans ne pas spoiler, dans mais... les détails, c'est une soirée qui finit pas très bien. Ah, c'est vrai qu'il y a peu de détails du coup là pour le coup, mais ok, très bien. Non mais c'est le genre de truc que tu peux pas trop raconter. Tu peux pas, parce que sinon... Mais c'est un petit film indé, je crois, oui, complètement. C'est pas un... allemand, merci. Ouais. Finalement, je t'aime bien. Enchaîne quand même. J'ai fini, je peux rien dire de plus, juste regardez-le. Et c'est dispo quelque part, non? Tu l'as téléchargé également? Non, je crois qu'on l'a regardé sur Amazon. D'accord, Amazon Prime. Ok, très bien. Valentin? Écoutez, moi pareil, une recommandation de Timothée Hochet qui m'avait dit de regarder ça il y a très très longtemps. C'est Euphoria. Je l'avais jamais regardé, et la mise en scène, les couleurs, le jeu, c'est tout est incroyable. T'as dit c'est beau. Et vraiment, c'est beau. Ouais. C'est beau. Et non, ouais, vraiment fou quoi. Regardez si vous ne l'avez jamais vu. Mais bon, et de quoi ça parle cette série? Oh, en gros, c'est ça parle de ouais, les jeunes et la drogue quoi, l'addiction, ouais, tout ça, ça détruit des vies c'est quoi. Pas bien, là, oh, oui, c'est Skins quoi. Mais c'est beau, et je crois que j'ai jamais vu de fiction où la lumière était gérée de cette façon, où la mise en scène, enfin les 10 millions par épisode. J'ai écrit presque adulte quand même. Ouais, presque adulte, la lumière. Ah oui, ouais. Il y avait de la lumière. Et c'est les mouvements de cam, tout est fou, et des acteurs sont dingues, et waouh, bravo à eux. Si vous m'entendez, j'adore la chanson du Big Deal, donc et c'est sur OCS, je crois. Oui, voilà, c'est sur ça. OCS, disponible. Adrien Méniel. Alors moi j'en ai 3. Oh l'enflure. J'en avais plus, on avait le droit d'en avoir. Mais oui, on peut en avoir. Je commence par Lucas alors. J'en avais 5. Tu termineras. Lucas. Alors moi j'en ai plein. Alors moi déjà c'est, je plaisante, gag visuel, je regardais ta bibliothèque. Alors j'en ai 2 alors dans ce cas-là. Je dirais un film que j'ai découvert il y a pas longtemps mais qui est vieux. C'est de Claude Miller, qui s'appelle La meilleure façon de marcher, avec Patrick Devers, bien sûr, et Patrick Bouchité, qui m'a surpris pour l'époque, ce que ça traite. Oui, c'est... parce que Patrick Bouchité, c'est Les singes qui parlent. Oui, c'est ça. Après, c'est surprenant. Pas que, ça non, mais va juste, pas. Non, mais parce qu'il est connu pour ça, donc c'est, on peut dire que c'est aussi un grand ami privé des animaux. Oui, voilà. Mais l'itinéraire... Non, si, itinéraire... Non, pas du tout. Ah, la vie d'un cheveu tranquille, pardon. Oui, oui, bien sûr. Et puis, Lune froide. Bah, je t'ai cassé, tu connais ma Harry Potter 2 aussi. Les gros bébés. Je t'ai cassé. Les balles de la culture, vas-y. Et sinon, oui, un compte Instagram de dessin. Ah, c'est très rarement recommandé dans cette émission. À la plume, à l'encre, magnifique, d'un certain Quentin Saint-Pierre, que je vous encourage à aller voir, parce que je trouve ça vraiment juste très beau. Et alors, je peux pas vous décrire un dessin, Eva mais... aussi. Non. Oui, Eva Grigoriev aussi, c'est une peintre. Elle a son Insta. Super, ça vient du cœur, bien sûr. C'est super. Mais non, mais j'en parle partout et puis. Mais t'as raison. Oh là là, tu sais, ici, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et le film dont tu parles. Je pleure pas, Lucas. Tu détestes extérioriser les choses, Lucas. Oui, ouais. Bien sûr, c'est évident, c'est... je crois, Adrien. J'ai les mains sur mon visage. Lucas, ton nom de famille, on dirait un passeport. Ah, je vais crever. Je le prends en direct. Thierry Pastor. Il est de ta famille, c'est ça le pire. Mais on en avait parlé. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. J'attendais. Ah, c'est pas le cas. Peut-être. Peut-être. Ah, okay. Il y a un doute, personne ne sait. De la même manière que Tex est de la famille de Divic. De Mister V. Ah ouais. Et oui, on l'a appris dans cette émission parce que c'est perdu de vue. On plagie les grosses têtes, mais aussi perdu si de vue. Si vous avez une célébrité un peu comme ça qui est de votre famille, c'est le moment de le dire. C'est le Valentin Le Tellier. Le Tellier, ça c'est ancien, il doit y avoir des célébrités. Ouais. Oui, Caroline Le Tellier. Non, mais en vrai, sans déconner, par contre, on avait fait l'arbre généalogique et apparemment, je suis. Je suis, c'est pas celui. Je sais pas, on n'a pas la suite de la phrase. Non, j'allais dire, je suis le ministre. Je suis Louis XVI. Non, je pense pas, non. Mais voilà, le ministre de Louis XVI. Ah bon? Ouais, qui s'appelait machin. Hervé Le Tellier. Ouais. Hervé Le Tellier. Non, potentiellement. C'est la diopie. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, c'est ça. Bien. Valentin Jean. Non, oui, bah, Jean, alors là, il Jean, y a un faut... Jean. Moi je suis. Jean Castex. Mais on met une patate dans la gueule, espèce d'enfoiré. Valentin Jean Castex. Oh non. C'est du Pontel ou quoi? Si on enlève les lunettes, on ne sait plus. Adrien, tes 3 recommandations. Exact. Alors il y en a une qui vient de. Vous m'y avez fait penser en fait. J'étais pas venu. J'avais dit que je ferais court et je suis déjà en train de tergiverser. Est-ce que déjà tu vas proposer une vidéo de Bigard? Parce que j'ai vu que t'étais fan de Bigard sur Twitter. Bien sûr. Oui. Est-ce que tu peux raconter ça pour les gens quand même? Parce que c'est fou cette histoire. En gros, bon, c'est un oui, peu mais un c'est événement. Rigolo, non, c'est rigolo. Juste que, en gros, il y a Bigard qui a posté une petite BD. La BD que, d'ailleurs que conseillait Lucas tout à l'heure. Voilà, c'est non, c'est en gros, je vous décris, il y a un couple, première case, donc il y a un couple Pardon, à poil. Très bon jeu de décrire des dessins humoristiques. Première case, il y a un couple dehors à poil la nuit. Et il y a une étoile filante. Et la femme dit « Ah, chérie, une étoile filante, fais un vœu. » Et deuxième case, la femme a des gros seins. Oh, excellent, oh, évidemment, il a rend. Si. Mais après, il faut le voir dessiner. Là, dit comme ça, je comprends. Dessiner, c'est top. Ah ouais, c'est drôle. Et donc, il y a Chronomusique, que j'embrasse d'ailleurs, qui viendra bientôt. Bien sûr, évidemment qu'il viendra. Super. Qui répond à Bigard, un pourfoutre de sa gueule un peu second degré, en lui disant « Ah là là, les gros bzeuses, mon gars, quoi. » Genre truc. Et moi, ah, de, mais lui, je l'ai vu, et moi de lui répondre « Eh, le gars, à tous les coups, il bande. » Voilà. Second degré, genre pour faire genre « Ah, quel truc de beau. Oui. » Bref. Ouais. Ce qu'on fait, genre, mille fois pendant un podcast. Bien sûr. Sauf que Twitter étant ce qu'il est, énormément de gens ont cru qu'on était juste deux beaufs. Et le truc a pris des proportions parce qu'il y a un compte à je sais pas combien de K followers qui a fait un screenshot en disant eh, regardez, on a atteint le niveau de beaufry ultime de 2021. Et donc, la bonne coup, tête de Méniel. Donc voilà, donc en gros, j'ai eu quelques réponses de gens qui disaient ouais, mais super, y a rien qui va, tu te prends pour qui gros beauf, de gros c'est fou quand même, ça peut tellement aller loin. Alors que t'es juste un gars. Pas... Et dire que c'était mon acteur préféré. Non, non, mais après, du coup, c'était que des gens qui me connaissaient pas. Parce que les gens qui me connaissent, a priori, ils écoutent le podcast, ils savent que t'es pas un gros beauf. Le front du cul à réchargir. Ah oui, il y a un troupeau de. Allez, je sais pas, le placenta. Non, bon, un troupeau de gerbilles. C'est tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Que ça m'a fait penser qu'on a parlé du Big Deal. Il y a un gars sur Twitch qui s'appelle Ybrec. I-B-R-E-C. Ybrec, tu parles de la lettre. C'est ça. Qui, un mec qui fait de la, des effets spéciaux, en fait, et qui en a fait notamment pour Studio Bagel et tout. Donc d'accord. Il a fait même des. Je savais pas. J'ai découvert après, en le regardant, qu'il avait fait des sketchs dans lesquels j'ai joué. Il a fait des effets spéciaux. Il a tout, intégralement modélisé Mektoub. Qui n'existe pas. Qui est, créé, qui est, non, qui est une création 3D de ce mec. Non, mais c'est et donc, fou, sur son temps libre, le mec refait en HD. Le générique du Big Deal. C'est-à-dire qu'il remodélise. C'est pas il remodélise tout en 3D. Il refait tout. Et il fait en ça 4, en 4K. Non, mais. Bah, non, mais ça, oui, oui. Enfin, ouais, en, non, mais, en, ouais. Le, et le, donc le mec fait ça, il fait ça en live. Il monte la modélisation des trucs et il refait. Il veut refaire le générique c'est du incroyable. Big tu l'avais partagé aussi, ça bah, je crois pas. Je l'ai vu passer. Je suis tombé dessus. Magnifique. Je sais plus. En tout cas, je il sais fait que ça sur Twitch. J'avais ouais. fait un raid sur ouais. Twitch. Machin. Ouais. Mais voilà, il fait ça et je trouve ça le genre de projet qui me, qui oui. me fait rire et qui me plaît. Autre recommandation. Qui te plaît, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. D'accord. Petite ref musicale, mais vous êtes trop jeune. Ou trop con. Non, non, trop jeune. Trop jeune. Là, ça reste la bio de taxi, hein, donc t'es pas. Voilà, c'est Dev Bond featuring Karine. Autre recommandation, c'est. Alors. Je voulais le recommander la dernière fois, mais on n'a pas eu les. On n'a pas eu le temps la dernière fois. Et c'était, on a enregistré, je crois, le lendemain de la mort de Jean-Pierre Bacri, qui m'a beaucoup affecté parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup. Tout d'ailleurs, le toujours. Hein, oui, non, toujours. Et ouais, mais moi plus, ok. Lui était vraiment non. fan. Non, et il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2012 ou 2014, il y a eu une interview de lui par Rebecca Manzoni sur France Inter dans une émission qui s'appelle Éclectique. Donc comme le mot éclectique, mais avec un K à la fin au lieu du QE. Et l'interview est toujours... on peut toujours l'écouter. Il suffit de chercher Bacri éclectique ou Bacri Rebecca Manzoni. Et c'est une super interview où il, voilà, c'est vraiment Bacri, comme on l'aime. Mais genre, quelqu'un qui n'aimait pas les interviews, c'était cool de l'entendre là, dans un contexte où a priori, il était à l'aise, il aimait bien, il s'entendait bien, elle posait pas des questions de merde. Oui, c'était pas genre, alors vous êtes un petit peu le grognon du cinéma. Bougon. Le mot bougon, putain. donc voilà, une super interview de Bacri. Mais qui est une super émission éclectique, alors qui n'existe ouais. plus, mais je crois effectivement beaucoup de ces interviews à Rebecca Manzoni sont encore en ligne. Et c'est vrai qu'il y a toutes les personnes qu'elle a interviewées, les gens sont très à l'aise. Des fois, ils sont en voiture. Ils sont, ouais. c'est, toujours j'ai fait, j'ai fait le mime de voiture. Ouais, moi, j'avais vu, fait. Moi, c'était celle de Sophie Marceau, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait des super interviews et, où les gens sont souvent détendus. Ouais. Donc, ouais, moi, mais j'aime c'est mettre les gens à l'aise et c'est leur parler comme ils ont envie d'être. Si vous écoutez Boomerang d'Augustin Trapenard, c'est un peu ce même délire. Quoi. Okay. C'est des gens, tu sens qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont envie de parler. Mmh. Et ils ont le temps de parler, surtout. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vu celle avec Dingo. Pas très drôle. Moi, j'ai vu un Boomerang, juste l'objet. C'est moyen. Je me suis dit, je vais faire une blague pire que la tienne. T'es gentil, putain, t'es tellement sympa. J'ai pris une balle. Et le troisième. Et le troisième, c'est un petit jeu, j'ai commencé à y jouer aujourd'hui, qui s'appelle Alba Wildlife Adventure. Oh. Et c'est. Ouais, mais j'ai vu des images de ce truc, c'est voilà. très beau. Et, Alba en fait, c'est vraiment le Alba, comme Jessica Alba, Wildlife. Mais rien à voir. Rien à voir avec l'actrice, ouais. Évidemment. Wildlife Adventure, mais si tu gères juste Alba, tu dois tomber dessus, j'imagine. Et je trouve que c'est vraiment le jeu. Alors, il n'y a pas de gros enjeux de dingue, c'est pas du truc compétitif et tout. Mais en ce moment, c'est vraiment un jeu. En ce moment, période actuelle, un peu. C'est la sinistrose qui nous envahit. Non, mais c'est un jeu. On incarne une petite fille qui passe une semaine chez ses grands-parents en vacances, sur une petite île ibérique où il fait très beau, où tout est mignon et tout. Il y a des gerbilles ? Il n'y a pas de gerbille, mais peut-être avec une extension. Et donc, tu incarnes une petite fille qui passe une semaine chez ses grands-parents. Et c'est une île très mignonne. Et c'est une petite fille qui a une fibre un peu écolo. Et il y a le maire de cette petite île qui a décidé de construire un énorme hôtel de luxe dans la réserve naturelle. Et du coup, le principe, c'est que tu te balades, tu prends photo des animaux pour les identifier. C'est un peu des... Il n'y a pas de gros enjeux, mais c'est juste... paisible et cool de jouer à ça. C'était le petit jeu que t'as joué. Et à chier. L'enjeu, c'est pas que ça se passe pas l'hôtel. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, bah, du c'est coup, quand même un enjeu de ouf. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Tu vois, c'est genre. T'as pas de temps limité. Oui, c'est très bien. Cool. Tu vois, c'est, tu fais tes trucs, tu te balades. Cool. Quand t'as fini, ça passe au jour suivant. C'est tranquille. Et voilà, moi, je sais que par exemple, pendant le seul vrai confinement. J'avais beaucoup joué à Animal Crossing, ça m'avait un peu sorti de ce truc. Ah oui. Et là, c'est un peu le même délire de genre, tu joues un truc qui te sort un peu de, ouais, ça faisait bien. De la période actuelle. Voilà. Eh bien, moi, je vous conseille, c'est une mini-série de 3 épisodes d'une heure, je crois peut-être un peu moins, de documentaire qui s'appelle 3 vies de cinéma. Je crois que ça s'appelle, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, 3 vies de cinéma. En fait, c'est une discussion, comme ici, mais avec... Sans gerbille dans le cul. Bah, pas loin, parfois, mais non, c'est avec Bertrand Blier, Patrice Lecomte et Tavernier. Bertrand Tavernier, pardon. Une femme, bien sûr. Hein ? Je dis aucune femme. Non, bah, pour le coup, c'est des très vieux cinémas. À l'époque, les femmes n'existaient pas, je crois que c'est ça, le truc. Et en gros, c'est trois cinéastes extrêmement cultes en France qui discutent totalement de leur façon de faire des films. Bah oui, parce que Blier, c'est Les Valseuses, Buffet Froid, voilà... tous ces films-là, Beau-père, Le Comte, c'est Les Bronzés font du ski, Tandem, très bon film avec Jean Rochefort que je vous conseille. Les Bronzés 3 aussi, Bertrand Tavernier, c'est Capitaine Conan, c'est La Princesse de Montpensier, enfin voilà, bref, c'est vraiment des très grands réalisateurs. Et ils discutent vraiment à la cool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le côté un peu pompeux qu'on pourrait imaginer de ce genre de conversation, c'est vraiment trois gars comme s'ils étaient au bistrot, mais ils parlent de cinéma. Wow. Et c'est vraiment super intéressant. Il y a le côté un peu vieux papy en plus qui est super parce que t'as vraiment un truc de. Il te parle de cinéma comme il te parle de quand il était maçon. Et voilà, je trouve ça super intéressant comme discussion et très touchant même parce que bah il y a le côté ils ont connu des acteurs qui sont aujourd'hui décédés. Donc en fait ils parlent de plein de choses vraiment très intéressantes et ils ont trois façons de voir le cinéma très différentes. Si vous connaissez un peu le travail de chacun. Ils ont un peu le même âge, mais ils ont trois cinémas extrêmement différents. Donc, de les voir discuter, c'est vraiment super intéressant. C'est sur MyCanal, et voilà, et c'est vachement bien. Juste une question, ça vient de sortir ? Bah, je sais pas si c'est vieux ou pas. En tout cas, je suis tombé effectivement dessus il y a pas longtemps non plus, et j'ai regardé. Ouais. Et ils parlent d'en faire tous les lundis ou je sais pas quoi. Ah ouais ? À un moment. Ah ouais, je sais pas du tout, parce qu'il y en a que 2 sur Canal. Il y en a 3 sur Canal. Ah bon, bah alors ça veut dire que ça sort de plus en plus. Il y en a 3, mais je sais pas s'ils continuent de le faire. Non, là, ce que je vois sur l'article, c'est une réunion en 3 épisodes. Mais non, je crois qu'il y a vraiment que 3 épisodes. Mais je sais pas si c'est récent. D'accord. Ou pas. Après, ils ont arrêté. Ils vont peut-être en faire avec d'autres gens après, je sais pas. C'est possible. C'est possible. Bien, mais Canal fait pour le coup des trucs comme ça. Ils avaient fait aussi Profession quelque chose chez Roger Film. Et ils font Profession cinéaste, Profession acteur, Profession actrice, Profession cuisinier. Oui, tu m'avais parlé d'un truc avec Azanavicius. Ouais, c'est Profession cinéaste. C'est avec Toledano, Nakash, Azanavicius, Chaba. Et Céline, comment elle s'intitule, Emmanuel Berco et une autre réalisatrice dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et non, c'est vraiment des discussions vraiment cool. Et vous avez su, il y a un super doc aussi où il part aux States, où il rencontre Mel Brooks, Joe D'Apato. Oh. Et en France, il cause avec, pareil, Nakash Toledano et Chaba, je crois, je sais plus. Donc voilà, non, mais c'est des super documentaires. Et donc voilà, je vous invite à regarder 3 vies de cinéma avec ces 3 grands réalisateurs. Et puis regardez les films de ces 3 gars, d'ailleurs, c'est quand même souvent très très bien. Bon bah merci beaucoup à tout le monde, merci d'être venu, c'était très cool, on a rigolé, on a appris des choses. Petit tour de table pour à peu près avoir l'actu de chacun. Lucas, Sur ta chaîne YouTube, est-ce qu'il y a des vidéos de prévues qui pas vont du tout, arriver rien. Rien le là. Néant, le désert. Désabonnez-vous. Mais il y a pas mal de vidéos à regarder, en revanche, qui sont déjà oui, là. Si oui, si vous les avez pas vues, vous pouvez les regarder. Mais je vous y oblige pas. moi, en tout cas, je vous y invite. C'est moi, quand même très, très drôle. Ouais, ouais, c'est vraiment très, très, très, très drôle. Ça devrait être prescrit par les médecins. Exactement. Oh là là. N'importe quoi. Franchement, cette chaîne YouTube, il faudrait qu'elle soit remboursée par la sécu. Tellement elle fait du bien. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas eu la preuve. Elle était bien aussi. Jenny, Valentin, je dis tous les deux, mais peut-être vous avez aussi des trucs solo qui vont sortir, mais non, pas tout de suite. Non, non, moi j'ai pas de vie à part le monde à l'envers. Non, non, mais donc nous, le monde à l'envers. Bah, on prépare les premiers tournages là, de l'année. Ouais. Voilà, et on travaille aussi sur le tome 2 de notre bande dessinée. Ah, mais oui, sublime. Et voilà. Oui, voilà. Et bande dessinée qui est sortie il y a pas si longtemps. Donc oui, aussi, qui est dans sortie dans toutes les librairies. Oui, toutes les qui est toujours disponible. Voilà. Effectivement. C'est sublime. Bien prêt, c'est bien magnifique. Et Coles qui est toujours aussi sur ma canal. Tout à fait. Et évidemment. Mais non, mais faut le dire. Il faut c'est rappeler vrai, aux gens, c'est que, sinon ils regardent pas en fait, ils cherchent pas. C'est vrai. Adrien. Surtout l'épisode 1 et 3. 1 et 3, bien sûr, qui sont les meilleurs, je crois, de la dernière c'est... saison. Il y a ce qui se dit. T'as écrit l'épisode dans ma famille. t'as écrit l'épisode. Putain, c'est... Bah, c'est stylé, l'épisode c'est 1. Extrêmement c'est... stylé, il est vraiment c'est... bien. T'as joué dans lequel, toi, Adrien? Le 2. Ah, hélas, hélas. Une belle rencontre qui aurait pu avoir lieu. Et non, ce ne s'est pas fait. Enfin, je crois que c'est le 2, hein, oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Adrien, toi, c'est, tu es très présent sur Twitch en ce moment. T'as un oui, vrai rythme. Oui, parce que j'ai envie de faire que ça en ce moment. Donc, mais c'est, je vous invite... Et alors, de pleurer qui, aussi. Non, mais il ne vous le dira pas, mais je vous invite à regarder. Je trouve ça vraiment... Alors, c'est... objectif, hein, c'est voilà, mais c'est extrêmement généreux, je trouve en fait surtout. Enfin, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses sur cette chaîne et je trouve ça vachement bien. Bah merci. Bah non, mais voilà, je le dis. S'adore. Bah je le dis. Voilà. Allez-y, baisez. Hein. Ouais, bah, alors si tu savais, mon Lucas pote. Dans mes bras, en même temps, on va vous laisser un après. Truc. Un petit truc, on va trouver un truc. Donc twitch.tv slash Adrien Méniel. Voilà, bon, je n'annonce pas, c'est pour ça que je dis, j'annonce pas sur les réseaux quand je fais des lives. Ouais. Parce que j'ai envie un peu de... Bah que voilà. Ton public de merde d'Insta te suive pas quoi. Oh, wow. Non, ça va, oh là là. Tu couperas. Non, ça on coupera pas ça. Ça non, mais voilà, c'est pour ça que je dis, si jamais ça vous intéresse, bah, suivez la chaîne, vous aurez la notif. Carrément. Parce que je ne l'annonce pas. Voilà. Ça, c'est stressant à faire. J'ai juste une question sur Twitch. Ben, ça fait, devient moi, une interview. Moi, avant, j'en ai déjà parlé, mais moi, avant, quand j'entendais parler de Twitch, je disais jamais je ne ferais ça. Oui. Le côté live me terrifie, je ne ferais jamais ça. Et j'en ai fait un, et je dis ah, c'est cool en fait. Et depuis, c'est mon obsession dans la vie, donc voilà. Donc on change d'avis parfois, même. Oui, c'est clair. Voilà, donc, par contre, on n'oublie jamais rien, on vit avec. C'est ça. Non, c'est vrai. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Pas là, pas pas. Et vous feriez pareil. Si jamais vous saviez. Si seulement. Ouais, ouais, exact. Mais... C'est infini. Corneille. Je m'ennuie. Je m'emmerde. Non, il y a encore des trucs. Bah, moi, c'est les lives à plusieurs qui me stressent. Ouais. Oh, pourtant on a bien rigolé la dernière fois. Oui, on a fait c'est, ensemble. C'est le côté, je sais pas. T'as détesté, côté... bah voilà. ça me stresse moins maintenant parce que là, c'est, le dernier était quand même relativement bien organisé. Ouais. Mais les précédents, voilà. Mais bon, bref, on s'en branle. On s'en bat les steaks. Non. Mais en tout cas, non, c'est pas forcément, c'est pas si stressant que ce que. De toute façon, toutes les choses sont toujours moins pires que ce qu'on s'imagine. C'est vrai. Et quand on est un petit peu anxieux. Donc, comme l'avion. Voilà. Voilà, comme l'avion, comme le sexe. Et c'est sur ces beaux paroles que du coup Coles toujours Derby Girl toujours à l'affiche Fantasme d'Eleanor Cost qui est sur YouTube. J'ai pas encore vu. Faut que j'aille super. Voir. Ah oui, c'est vrai, bravo d'ailleurs Adrien, c'était super. Merci, c'est gentil. Sublime. Et bravo Eleanor. Bravo Eleanor. C'est très très triste ou pas ou c'est Non, ça va. C'est très très triste question de bébé. Non, je veux dire, est-ce que c'est badant non. Ou... non, ça va. C'est doux amer. Oui, c'est doux amer. Il y a un gars qui vient apporter un peu d'épices. Adrien joue le rôle du pétomane dans le film. Dans, pétomane mon seul fou. Rôle, mais je le fais bien. C'est que je pète dans mes mains et je le fais sentir à Audrey. Ah. Bah oui, mais non, mais non, ça paraît beauf, mais dans le contexte, c'est hilarant. Oui, pétomane fou. Il court dans la rue. Il a des vêtements très amples. Et il largue à tout va. Un méchant de Batman. et je crois que bah, c'est tout, c'est déjà bien. Bah, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. La Bonne Auberge qui a repris. Ah, saison la quoi 2 saison 2, ouais. Ouais, bien sûr. La Bonne Auberge. Sur Twitch, sur YouTube, en replay. Il y a des trucs qui se passent des choses. Et puis le Floodcast aussi. Et le Floodcast, on continue. continue comme on peut. Voilà, comme on peut, parce que pandémie oblige, mais c'est quand même toujours un plaisir. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui viennent, et ça, moi, ça me remplit de joie. Exactement. Et voilà, et quant à moi, bah, voilà, la flamme toujours sur, sur Canal, Oli et l'Alien toujours en librairie. Achetez-en énormément. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Déstocker les stocks. Déstocker les stocks. Ou acheter en dématérialisé aussi. Peu importe. C'est pas si mal de lire sur iPad les BD. Tant que vous achetez, moi, je vais vous dire un truc. Franchement, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est non, vrai. Mais en vrai, mais merci pour les quelques retours que je reçois. Ça fait toujours grave plaisir. Et voilà, je réfléchis. Mais non, là, pas d'actu pour le moment. On prépare les trucs qui arriveront en 2022. 2021, une année assez morte pour moi, je tiens à vous le dire. Voilà, on écrit beaucoup. Bah, merci tout le monde, en tout cas. Bah, merci. Merci. Merci. Merci. Bisous tout le monde. Ciao. Bye. Oui. Ah. Salut, ciao. Lucas Passeport. C'est pas vrai. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.